programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Daniel fait un gros combo bien divertissant avec Sport et Filoché et Tania Escalade Eugénia. En apprenant des choses bien intéressantes dans les chroniques sites fait, ils sont foutus pas la S. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce lundi 5 décembre 2016, 143 jours de la fin de l'année scolaire, en temps direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, passez une belle fête semaine. Oui, ben oui, il faisait beau. Oui, donc on n'était pas nécessairement à plaindre de ce côté-là. Non. Ça s'est super bien passé. C'est ça, on peut se plaindre de bien d'autres affaires, mais pas de ça. Exactement. Trouver d'autres raisons. Tu sais, du côté de Québec, il y avait une grosse tempête. J'ai ici, il n'y en avait pas. Incroyable. Nous, c'était le gazon vert, comme exact. On l'appelle. Aujourd'hui, émission, Tania, on a deux chroniques de ta part. Mm-hmm. Incroyable, mais vrai. Parce qu'on n'a pas Valérie Deschamps cette semaine encore. Donc, tu nous présentes Sport et Filoché ainsi que Tania is gonna entertain. Oui, tout à fait. Je me suis dit pourquoi pas présenter deux chroniques ce matin. Donc, on va faire comme à l'habitude chaque lundi la revue de ce qui s'est passé du côté du monde du sport. Mais aussi, je vais vous parler dans Tania is gonna entertain. Puis, je vais vous laisser en suspens pour le sujet. T'sais. Même pas d'indice aujourd'hui. Même pas. Et bien la tanante. Uh-huh. On va aussi faire du site un fait comme on le fait toujours le lundi. On va débuter dans quelques instants avec son foutu palmarès parce que c'est la première émission. Non, c'est la deuxième, mais quand même, c'est le début du mois de décembre. Oui. Jeudi, c'était le premier, hein, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Donc, on va faire le top des fêtes à célébrer en décembre et le top des anniversaires aussi à célébrer dans le mois de décembre. Donc, ça s'en vient dans quelques instants, mais avant ça, une pièce de The Hidden Cameras qui me fait regretter d'être parti de ma maison où j'ai eu un sommeil à 47% selon mon application de sommeil. Je te comprends, Mathieu, je te comprends. Pas facile, pas dormi longtemps. Hein, mais on rentre dans les temps où c'est assez difficile de se lever. Oui. C'est dans cette heure-là. Ça donne pas tant envie, mais on est là quand même pour vous aider à le faire. Donc voici The Hidden Cameras et The Day I Left Home à Assemblage Requis. Planes. Woke Hidden Cameras, The Day I Left Home, dans Assemblage Requis, ce lundi matin. Oui, ce lundi matin. J'aime bien cette chanson-là, peu importe le jour. Début de semaine, ouais. On part bien ça avec de la bonne musique. Absolument. Lundi matin aussi, d'habitude, c'est le moment où on se dit, bon, faut retourner à l'école, faut se lever, premièrement. Mm-hmm. Faut faire ce qu'on a à faire. Ben oui. Aller étudier. C'est comme ça que ça se passe. Puis moi, je suis là, puis là, j'essaie de vous divertir à la radio. Puis là, j'arrive avec une chronique pour apprendre aussi. Hey, c'est comme, hey, lâche-moi. Mm-hmm. Lâche-moi, Mathieu Plante. Fais-moi pas apprendre des affaires de plus. Donc, ouais, ben justement, pour patcher, à la place, on va aller faire ça plus tard. On va faire d'autres choses. Procrastination, t'aimes ça? Ah, j'adore ça. On va faire son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et comme on est au début du mois de décembre, c'est comme toujours le moment de faire la liste des fêtes à célébrer dans le mois. Oui. Ouais. Donc, on va commencer tout de suite, comme ça, demain, sans trop réfléchir, avec la deuxième journée du mois. Le 2 décembre, c'est la journée nationale des vendeurs. Ah, OK. Des vendeurs. Donc, si vous voulez magasiner, évidemment, hein, d'ici le 25 décembre, il va falloir de l'aide un petit peu. Donc, vous allez vous faire aider par des vendeurs. Va rendre la tâche plus facile de trouver des cadeaux. Mm-hmm. Ensuite, le 5 décembre, la journée du bathtub party. Un party de bain, si on veut. Ben oui, rien de moins. Hein, donc, pourquoi ne pas prendre une minute pour relaxer, laisser les choses tremper avant de stresser pendant les fêtes? C'est à ça que ça sert. Le 10 décembre, c'est la journée de la décoration des maisons en pain d'épices. Oh, OK. C'est tellement bon, les pains d'épices, les petits bonhommes, les petits sapins, les petites maisons. Mm-hmm. Ah. J'aime mieux, par exemple, un breuvage aux épices, pain d'épices, oh, que les bonhommes pain d'épices en discutent. J'aime tout ça, moi. Je trouve ça magique. T'es un gars de bouffe. Ou de voilà. Bouffe. Ouais, ben, ouais. Malheureusement, hein, c'est comme ça. Le 12 décembre, c'est la journée des poinsettias. Ah, OK, oui. Hein, ça ne fait pas que célébrer cette fête festive. C'est aussi la mort de la personne qui lui a donné son nom, Joel Roberts Poinsett. Donc, le botaniste et le premier ambassadeur américain au Mexique a ramené des morceaux de Euphorbia pulcherrima aux États-Unis du sud du Mexique. Et il a fait pousser sa plante dans sa maison de la Caroline du Sud. Oh! 15 décembre, la journée des gens qui ramassent... comment est-ce qu'on appelle ça? Comme les moutons font, là. Avec les loups, là, peut-être ça, là. Non, pas ça. Comme les hommes qui font ça avec des moutons pour les garder dans des clôtures, hein. Berger. Berger, oui. Voilà. C'est la journée où on est le berger de son chat. Ah, d'accord. Oui. Voilà. On guide son chat à travers la vie. Ça doit être moins difficile que des loups. C'est plus difficile. 17 décembre, c'est la journée des frères Wright. Ça, c'est ceux qui ont inventé l'avion. C'est exactement ça. C'est le 114e anniversaire de leur premier vol d'avion historique aux frères Wright. 21 décembre, c'est la journée où on célèbre les courtes fictions. Ah, les livres, les nouvelles, ouais. Ce qu'on lit des fois. Donc, vous pouvez vous préparer votre breuvage à votre choix avec du pain d'épices, peu importe, et prendre un petit peu de temps pour lire de courtes histoires. Hmm. Ouais. Le 21 décembre aussi, c'est la journée des pères fondateurs. Donc, on est arrivé à Plymouth Rock sur le Mayflower ce jour-là en 1620 de l'histoire américaine. 21 décembre, la journée Humbug, comme dans, tu sais, le grincheux, là. Ouais, c'est ça. Donc, plaignez-vous à ce moment-là, personne ne les tolérera à Noël. Donc, on se plaint le 21 décembre que c'est les fêtes. Ah, on est des grincheux. 21 décembre, celui-là, attends un petit peu, ça va mériter plus d'explications. Ça a rapport avec Jules Verne, c'est le Phileas Fogg Wind Awaker Day. Donc, dans le roman classique de Jules Verne en 1873, Around the World in 80 Days, donc Tour du Monde en 80 jours, hein, mm-hmm. Phileas Fogg gageait qu'il était capable de faire le tour de la planète entre 20h45 le 2 octobre et 20h45 le 21 décembre. Donc, c'est pour ça qu'on le célèbre le 21 décembre. Le 25 décembre, c'est la journée de l'alphabet, mais sans le L. La journée de l'alphabet. De l'alphabet. C'est un jeu de mots avec le mot Noël, comme dans Noël, comme dans Il n'y a pas de L. Oh est-ce boy. Que tu catches le principe? Ouais, je la catch, ouais. Donc, célébration... C'est pas la meilleure. C'est une journée complètement arbitraire. Noël, c'est n'importe quoi. Vraiment pourri comme jeu de mots. C'est vraiment affreux. Il faudrait donc parler et écrire sans le L. Voilà. Mathieu, même tes jeux de mots sont meilleurs. Arrête donc! Le 29 décembre, c'est la journée du tic-tac. Pas le tic-tac comme l'aliment. Est-ce qu'on peut dire ça, la nourriture? Non. Si vous avez besoin d'un autre rappel du passage du temps ou encore l'occasion de réévaluer comment vos résolutions de 2016 vont, c'est la journée où on dit que le temps passe. Tic-tac, l'année est presque terminée. Réévaluez votre vie au grand complet. Ouh. Le 30 décembre, c'est la journée sans interruption. Il y a sûrement en fait des journées pas mal plus silencieuses qui auraient pu être utilisées pour célébrer ça. Mais pourquoi ne pas prendre cette opportunité-là pour se déconnecter et accomplir des choses ou encore rien accomplir? Ça va un petit peu avec la journée au début du palmarès, là, prendre un bain. Là. C'est vrai? Ça ressemble à ça. Le 31 décembre, c'est la journée de se faire à l'idée. Une journée pour les gens indécis. Donc, la veille du jour de l'an, vous allez choisir une porte, soit au sens figuré ou au sens littéral, et passer à travers cette porte-là et vous retrouver... en 2017, avec votre décision. Hey boy. C'est la liste, comment on appelle ça? La liste des fêtes à célébrer. Voilà, en décembre. Maintenant, on se dit avec le palmarès des fêtes, des anniversaires. Voilà, maintenant à célébrer, toujours dans le mois de décembre. Certaines de nos figures historiques les plus connues sont nées en décembre. On pourrait pas les nommer au complet, mais selon mentalchoice.com, la liste commence par Walt Disney. Oh, rien de moins. Né le 5 décembre 1901. Walter Elias Disney était un artiste du dessin. Il faisait des sketchs, donc des petits dessins comme ça à très élevé dès son jeune âge. Et ses bandes dessinées dans les années 20 avaient tellement de succès qu'éventuellement il a ouvert son propre studio où Mickey Mouse est bien sûr né. Il cherchait toujours quelque chose de plus gros, quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Disney a donc produit son premier film animé en 1937, Snow White and the Seven Dwarfs, donc Blanche-Neige et les Sept Nains. Ensuite, il a adopté la télévision très très tôt et il a ouvert Disneyland en 1955. Mais pour construire son empire, il faut avoir beaucoup de contrôle, même sur des choses improbables. La preuve, pendant 43 ans, les employés des parcs thématiques de Disney n'avaient pas le droit de se faire pousser de poils au visage. Ah, OK. Ça a changé en 2000, 4 ans après la mort de Disney, lorsque la compagnie a décidé que les employés masculins pouvaient avoir des moustaches. Donc, un choix logique, étant donné que Disney en portait une lui-même dans sa vie. Par contre, il y a une attrape, les employés doivent déjà en avoir une lorsqu'ils se font engager ou encore la faire pousser pendant leurs vacances. On n'a pas le droit de juste pas se raser pendant qu'on travaille. Ouais. Ensuite, la naissance de, je dirais, l'ancêtre du gars dans Dominique et Martin qui a l'œil croche, là. Comment ça s'appelle? Dominique. Je sais pas. Mais Sammy Davis Jr. est né le 8 décembre 1925. Lui aussi avait un œil un petit peu croche. Ah, OK. C'est comme ça. Donc, Sammy Davis Jr., je parle pas en mal de ça. Mais non, écoute. On remarque le fait que c'est comme ça. Hein? Donc, il était destiné pour le show business, nous dit-on. Il est né de deux personnes vaudevillesques. Il a commencé à performer sur la scène à l'âge de 4 ans. Et on peut regarder son début sur film à l'âge de 7 ans dans le court-métrage Rufus Jones for President en 1933. Dans sa carrière, il a fait du vaudeville, du stand-up, de la danse, du chant, des musicals sur Broadway, des films et de la télé. Il était membre du très célèbre Rat Pack avec Frank Sinatra, dont l'anniversaire est aussi ce mois-ci. Il est aussi particulièrement connu pour ses imitations de vedettes. On peut en voir une vidéo sur assemblagerequis.com. Entre autres, il faisait un très bon Michael Jackson. Ensuite, c'est l'anniversaire de Emily Dickinson, née le 10 décembre 1830. C'est une poète renommée, Emily Dickinson, qui a passé presque toute sa vie à Amherst, dans le Massachusetts, entourée de sa famille. On se souvient d'elle comme une ermite un peu. Elle sortait pas beaucoup. Dickinson avait quand même une vie sociale notoire, notable, notoire. Notoire. Jusqu'au scandale, on peut seulement spéculer par rapport à ses relations amoureuses. C'est par amour, comme on dit, elle aurait eu plusieurs petites aventures qui ont contribué à la passion dans ses romans, dans ses poèmes, pardon, romantiques. Ensuite, je sais que tu en as déjà parlé à l'émission, Ada Lovelace, qui est morte le 10 décembre 1815. Donc, Augusta Ada King Noel est morte à l'âge de 36 ans, mais elle a réussi à faire sa marque sur l'humanité dans sa courte vie. Quand elle était jeune, Ada Lovelace a travaillé pour le professeur Charles Babbage, qui a développé le premier ordinateur dans les années 1830, ordinateur théorique. Il a assigné la jeune Ada à essayer de comprendre l'entrée des données pour faire un ordinateur, pour faire que l'ordinateur puisse calculer des choses, oui. Compute, comme le verbe le dit. Une brillante mathématicienne, elle était capable de le faire et a développé le premier logiciel du monde un siècle avant qu'il y ait un ordinateur en tant que tel pour l'utiliser. Donc voilà, c'est Ada Lovelace. Boom! Boom shakalaka! Ensuite, Frank Sinatra est né le 12 décembre 1915. Frank Sinatra, qui avait toujours l'air très débonnaire, mais non, sa vie a commencé d'une façon plutôt difficile. Les forceps, les pinces qui ont été utilisés pour l'amener dans le monde ont laissé une cicatrice à long terme, donc toute sa vie, sur sa mâchoire gauche. Et ça a aussi défait un petit peu son oreille gauche. Ben mon Dieu. Les pinces qu'on a utilisées pour le sortir du ventre de sa mère. Il a toujours été très, comme on dit, self-conscious, donc du genre à trop penser à lui-même, à son apparence. Ça l'a pas empêché de devenir une icône. Old Blue Eyes, comme le disait son surnom, a débuté sa carrière en chant avec des big bands dans les années 1930. Il est passé au rôle de teen heartthrob, comme on dit, donc celui que les filles adoraient dans les années 40. Mm-hmm. Il a commencé à apparaître dans des films où il était très naturel. Dans les années 50, il a travaillé avec sa propre émission de télé. Il a gagné aussi un Oscar pour le film From Here to Eternity, sans mentionner plusieurs Grammy Awards pour son chant. Ensuite, ses ventes de disques ont commencé à stagner et Sinatra est devenu exécutif dans une compagnie de disques et à l'ultime, il est revenu à faire un comeback avec sa musique dans les années 60 et 70 tout en ajoutant toujours à son générique, à sa cinématographie. Cinématographie. Mm-hmm. Curriculum vitae. C'est ça. Ensuite, Shirley Jackson, née le 14 décembre 1916. Dans les années 40, Shirley Jackson était femme à la maison et mère de 4 enfants. Elle aspirait à écrire. Un jour, en 1948, elle s'est assise pour écrire quelque chose qu'elle avait en tête depuis très longtemps. En seulement 2 heures, elle a produit l'histoire courte The Lottery, très connue encore aujourd'hui. Je me rappelle avoir vu un film basé sur The Lottery dans les années quand j'étais au secondaire. Ouais, c'est une petite place. C'est vraiment très bon. C'est une petite ville où chaque année, les résidents tirent un morceau de papier et un gagnant, entre guillemets, se fait lancer des pierres jusqu'à sa mort. Non, mon Dieu. C'est vraiment assez horrible. Publié dans le New Yorker, c'est devenu une sensation immédiatement parce que les lecteurs trouvaient ça horrible, mais en même temps, l'idée était vraiment intéressante derrière ça. Le magazine a reçu plein d'appels et de lettres. Les gens ont annulé leur abonnement. D'autres croyaient que c'était du véritable basé sur un fait vécu. Demandaient comment ils pouvaient être témoins de ce rituel, donc voir ça. Jackson n'a rien dit, préférant que son travail parle de lui-même. Ensuite, elle a écrit plusieurs autres romans très bien reçus, surtout de l'horreur et de l'humour. The Lottery, depuis, est devenu un classique de la philosophie et des façons de penser. C'est souvent requis dans les écoles. Ouais. C'est vrai. Ensuite, Jane Austen est née le 16 décembre 1775. Jane Austen, qui écrivait très beaucoup, en fait, dès son jeune âge, mais elle n'a pas publié son premier roman avant 1811. Elle avait 36 ans. Oh! Sense and Sensibility, c'est très bien vendu. Donc, Austen a écrit Pride and Prejudice en 1813, un roman qu'elle a complété alors qu'elle avait que 21 ans. Deux autres romans ont suivi, les deux publiés de façon anonyme. C'est seulement après la mort de Austen, à l'âge de 41 ans, que sa vraie identité a été révélée au monde littéraire. Deux autres romans ont été publiés de façon posthume. Mmh. Ensuite, Ludwig von Beethoven, qui est né le 16 décembre 1770. C'est un compositeur allemand qui était au bon endroit, au bon moment, pour remplir le vide laissé par la mort de Mozart. Beethoven est devenu une rock star dans les cours royales et dans les concert halls de l'Europe. Il avait un ego pour aller avec ça. Hein? Oui. Quand il a commencé à perdre Louis, vers l'âge de 30 ans, il a arrêté de performer et il a dédié sa vie à la composition. Beethoven a fait son comeback lui aussi, c'était ça Frank Sinatra? Oui. Tantôt? Ça? Oui. En 1824, alors qu'il a, on a... Produit. Produit, ouais, c'est ça. Sa symphonie numéro 9 qui est devenue ce qu'il a fait le plus célèbre. Ensuite, Clara Barton, née le 25 décembre 1821. Clarissa Harlow Barton, qu'on appelait Clara, elle travaillait comme... je sais pas comment je pourrais dire ça, genre... une personne sur le plancher, non, une personne à l'accueil, si on veut, bref. Service à la clientèle? C'est la clientèle, on pourrait dire ça, à Washington D.C., quand la guerre civile a commencé. Elle a vu un certain besoin et elle a commencé à travailler pour les troupes en leur amenant de la nourriture, des équipements, des soins médicaux. Barton a demandé la permission pour amener de la nourriture et des équipements médicaux dans les cliniques de la guerre. Elle était considérée comme une ange, Angel of the Battlefield, comme on l'appelait. Elle a aussi cherché pour des soldats qui étaient introuvables et a aussi travaillé pour identifier ceux qui étaient dans des sites d'enfouissement de personnes décédées. Là. Donc, elle a appris que la Croix-Rouge internationale existait pendant sa visite en Europe en 1869 et est devenue bénévole avec l'organisation pendant la guerre. Comment est-ce qu'on dit ça? Prussian, c'est quoi? Est-ce que c'est pas la Prussie? Non. Non? Attends, tu peux, on va aller chercher ça, va. Je sais pas dire n'importe quoi dans ce cas-ci. Premier mot qui me tracasse. La Prusse, oui, un territoire d'Europe orientale, en partie germanisé sous le contrôle des chevaliers teutoniques, mais situé hors du Saint-Empire romain germanique. La Prusse est devenue une possession des branches des Hohenzollern. Ben oui! Liée à l'électorat de Brandebourg dans la région berlinoise. D'accord. C'est une région, donc. Ses services ont impressionné les officiers de la Croix-Rouge en Europe et Barton a passé les prochaines années à faire du lobbying pour que les États-Unis ouvrent leur propre chapitre, donc la Croix-Rouge américaine, qui a été établie en 1881, donc c'est grâce à Madame Clara, voilà, Barton. Et puis, Henri Matisse est né le 31 décembre 1869. Henri Matisse est un artiste du mouvement fauviste. Son art a évolué pendant plus d'un demi-siècle de travail, surtout connu pour ses peintures. Matisse était aussi sculpteur printmaker. Printmaker, j'imagine que ça voulait dire qu'il faisait imprimer des choses. Mais avant ça, il avait aussi un autre champ de carrière qui était la loi. Matisse s'est mérité un diplôme légal alors qu'il travaillait encore clerk, donc c'est pas nécessairement juste service à la clientèle. Non. Donc dans un bureau de loi, il a eu une appendicite en 1899. Sa mère lui a apporté de la peinture pour pouvoir peindre pendant qu'il récupérait et le reste fait partie de l'histoire. Oui. Il y a plusieurs termes en fait pour le clerk. Il y a, comme on vient de dire, service à la clientèle. Ceux qui font des tâches aussi de bureau comme aujourd'hui qui est agent administratif un petit peu. Secrétaire. Puis il y a aussi le terme clerk qui désigne généralement un chanteur ou un membre des corps professionnels qui est attaché aux cathédrales anglo-saxonnes. Eh bien, quand même, c'est pas celle-là. Donc, on va choisir le deuxième. Employé de bureau. C'est ça? C'est ça. C'est plate un peu comme façon de dire. Mais c'est comme ça. Oui. Voilà. Il nous reste encore un petit peu de temps. J'ai trouvé une liste qui n'a absolument aucun rapport avec le mois de décembre, mais je l'ai trouvée chouette à partager. C'est la liste des noms pour le symbole A commercial partout dans le monde. Ah, OK. Est-ce que ça t'intéresse? Ben oui, vas-y. Ben oui. Donc, Raymond Tomlinson, l'homme qui a inventé le courriel, est mort plus tôt cette année. Et Tomlinson était l'homme qui a présenté et introduit le symbole A commercial dans nos communications électroniques. À chaque fois qu'on donne à quelqu'un son adresse courriel, on utilise son invention à M. Raymond Tomlinson. Mais Tomlinson n'a pas inventé le symbole du A commercial. Cet honneur-là vient bien loin avant lui. En fait, on ne sait pas encore comment on a fait pour faire un rond autour du A, mais pendant la Renaissance, le symbole a pris de plus en plus de place dans les textes. C'est une façon de déterminer ou de noter combien quelque chose coûtait par unité. Donc, on voyait souvent 10 pains A commercial, 25 pence chacun. Okay? OK. Donc, pendant plusieurs centaines d'années, le symbole a été utilisé par des marchands, peut-être des clerks, sur sa clientèle. Si on s'amène en 1971 après ça, et Tomlinson a emprunté ce symbole-là pour dire « localiser A » dans une adresse courriel, comme dans un serveur. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, on connaît le A commercial des fois comme un A commercial, mais aussi comme un « at », comme dans « chez quelque chose ». Oui. Mais dans d'autres parties du monde, on essaie de définir un petit peu plus de quoi le A a l'air. OK. Donc voici la liste des différents pays, des différentes façons. En Italie, on voit un petit escargot. On l'appelle le symbole Ciucciola, ou un escargot pour décrire sa forme de tire-bouchon. En Hongrie, on voit l'animal un petit peu plus gluant, le ver de terre. Donc en Hongrie, le A commercial ressemble à un ver de terre. On l'appelle un kukak, petit ver ou un magot. Ensuite, en Arménie, on pense que le A est un joli petit chien. On l'appelle Ichnik ou un petit chiot papy. Oh. Les Allemands ont un singe spécifique en tête quand ils parlent de leur A commercial. On l'appelle Klammeraff ou encore un singe araignée, qui est une façon très spécifique de le nommer. Les Hollandais voient aussi un singe, mais moins spécifique. Eux, ils ont un petit surnom qui disent Epstart ou encore la queue d'un singe. Ah, OK. Ça, c'est vraiment très joli. Ouais. Ensuite, il n'y a pas de marsupilami là-dedans encore. Non, non. En danois, oui, au Danemark, on a deux animaux parmi lesquels choisir. Donc, le A commercial a deux origines. Soit le grishal, ou encore la queue d'un cochon. Ah, oui. Hein? Et la plupart du temps, c'est snabble, ou encore, en anglais, la trompe d'un éléphant. Ah, c'est vrai, pas fou. C'est beau, ça. Taïwan, évidemment, pays qui n'est pas reconnu comme étant son propre pays. Il fait partie de la Chine selon les États-Unis, mais en tant que tel, c'est ton propre pays selon eux, démocratiquement. Mm-hmm. T'as vu la nouvelle se passer cette semaine? J'ai eu beaucoup trop de détails sur Taïwan en fin de semaine dans les nouvelles. C'est ça qui arrive quand tu downloads des applications de nouvelles. C'est ça, là, exact. Ça pop-up tout le temps. Taïwan tout le temps. Bref, les Taïwanais voient une souris. Donc, le symbole du A commercial s'appelle petit triangle comme un avion qui ressemble. Puis l'autre, c'est comme une genre de patte de bas de Noël. Puis l'autre, c'est comme une genre de petite maison. Ce qui veut dire petite souris. À Israël, on pense à la nourriture quand on pense à un commercial. Pour les Israéliens, le commercial s'appelle un genre de petit set avec un petit genre de T, un I, un genre de boss, un genre de O puis un genre de W. Ou encore un strudel, qui est une délicieuse pâtisserie avec l'intérieur tout tire-bouchonné aussi. Ça aussi, ça a du sens, à vous, le tire-bouchon dans un strudel, une pâtisserie ou une brioche. Ensuite, en Tchécoslovaquie, donc les Tchèques et les Slovaques, parle aussi de nourriture. Le symbole commercial s'appelle Zavinak ou encore Roll Mops. Pour ceux qui ne connaissent pas, un Roll Mops, c'est un filet de poisson mariné, roulé dans des épices savoureuses, souvent des olives ou des pimentos. OK. Donc, Roll Mop. Eh ben. En Suède, c'est encore une fois une question de brioche. Les Suédois ont quelques noms pour leur commercial, mais un d'entre eux est le Kanelbulle ou encore Cinnamon Bun, brioche à la cannelle. Les Chinois. Ceux du Ikea. Ah oui? J'ai jamais goûté. Oh là, par contre. Ceux du Ikea. Tu me tentes, là. Mais tu sais, il faut que tu ailles à Montréal juste pour t'acheter des brioches à la cannelle du On Ikea. Dirait. On dirait que oui. Les Chinois, eux, sont très fancy. Hein. Ils ont quelques façons différentes de faire référence à leur A commercial, mais un d'entre eux est un genre de garde-robe avec deux barres dessus puis une petite canne en bas. Ça, c'est sympa. OK. c'est le Flowery A. Donc, le A avec une fleur comme dans. Tu sais, quand t'écris en. Dans les enseignes, sur les magasins, dans le temps, tu faisais des A avec une grande queue qui faisait des bouchons. Oui. C'est la même chose. OK. Ensuite, les Serbes. Leur A commercial, lui, est sauvage. Le A va tellement loin que ça s'appelle Niaro A, ou encore le Crazy A. Ah bon? A fou. Et finalement, au Vietnam, on a deux noms pour le A commercial. Et tout ça est tout croche. Hein? Donc, dans la partie nord et la partie sud du pays, au nord, le A, c'est A Kong ou encore Bent A, comme dans genre un A plié. Hein? Mm-hmm. Et au sud, le A commercial est un A Mok ou encore un A Crochi. Hooked A. OK. Intéressant. J'ai envie d'appeler ça une brioche. Une brioche. Implante à brioche. gmail.com. Oh, tu viens tellement de donner ton adresse live. Mais écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Et voilà. Vous pouvez aussi écrire plus professionnellement à assemblagerequis@gmail.com parce que personne ne le fait. Commencez, vous êtes le premier. C'est pas vrai. Les c'est gens, ils vont sur vrai. Facebook maintenant, Mathieu. C'est pas. Voilà, c'est tout pour trois listes dans son petit palmarès. Mm-hmm. Fun stuff. Fun On stuff. On adore ça. Ouais. Au retour, je pense qu'on va y aller en va-et-vient aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire une autre chronique tantôt? Oh, pourquoi pas? Et plus tard, il y aura un c'est un fait de ma part. Mais pour l'instant, on va décrire un A commercial avec un A qui fait une petite fleur à la fin. Oui. Pourquoi ne pas entendre Clopelgag? Ah, pourquoi pas? Oui. Tu parles du titre qu'on n'est jamais capable de savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire. Les ferrofluides fleurs. Ça veut dire A commercial au Québec. Vous êtes à l'assemblage requis. Ça, c'est fou. Yeah. m'appelle Gag et les ferrofluides fleurs, Tania. Dans l'assemblage requis, on a cherché qu'est-ce qu'était le ferrofluide. Et en fait, c'est un liquide qui fait en sorte que les choses deviennent magnétiques. Donc, on a compris que Claude Pelgag voulait tout simplement parler de fleurs magnétiques. Ben oui. Ben oui, ben c'est comme ça. Hein? C'est ça. Elle voulait qu'on... Elle voulait pas dire fleurs magnétiques, elle voulait... Non. C'est ça. Mais t'as vu que... En tout cas, on dirait quasiment qu'elle était sur Wikipédia, elle a fait mot au hasard. Elle est tombée là-dessus, puis elle chante les paroles de Wikipédia parce que tu m'as dit que ça poussait dans les champs magnétiques, puis elle dit « Poussait dans les champs magnétiques ». Exactement. C'est exactement ça. Non, mais c'était sur l'album de Claude Pelgag, là. Oui, oui. Que j'ai trouvé. Dans les... Oui. Ah, je pensais que t'avais cherché ça. Non, c'était pas dans l'article Wikipédia, mettons. Bon, bref. Ça aurait pu. On s'est senti un petit peu ignorant ce matin, mais nous voilà renseignés. Merci de parfaire notre éducation, Tania, et Claude Pelgag aussi. Mmh. On prend une pause. Au retour, sport effiloché à Assemblage Rocky. Oh. Restez là. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. C'est fou. 89.1. Sometimes. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Bonjour, vous êtes toujours Assemblage Rocky en ce lundi 5 décembre 2016. Ça nous arrive des fois d'être Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Et maintenant, ben, tiens, on va faire un ping-pong aujourd'hui. C'est toi, moi, toi, moi, toi, moi, ou moi, oui. toi. Pas pire, on va se partager la tâche. C'est toi qui choisis. C'est ça, mais j'ai commencé. Hein, j'ai pris la première demi-heure, celle où on est tous les deux fatigués. Oui. Et là, on est en forme, je pense. On est rendu assez en forme pour peut-être pratiquer un sport. Oh. Oui, donc voici sport effiloché. Pour les athlètes des Patriotes de l'UQTR, ça a pris action simplement du côté du hockey et du cheerleading pour nos athlètes. Par contre, du côté du hockey, on a commencé la fin de semaine déjà comme ça, pas nécessairement en dedans d'ici, mais vraiment en... de façon négative, il faut le dire. En fait, le premier match que les Patriotes de l'UQTR étaient censés jouer du côté du hockey opposait le RMC Paladin à notre équipe ici à Trois-Rivières. Et la date a été remise. Le match a été remis. La date reste toujours à déterminer. On ne sait pas encore lorsqu'ils vont pouvoir reprendre le match. On ne sait pas non plus pourquoi. C'est seulement une information qui a été transmise sur les réseaux sociaux des deux équipes. Donc, c'est le RMC Paladin qui a transmis l'information en premier par Twitter et par la suite, les Patriotes de l'UQTR ont retweeté le tout. Mais on n'a pas d'explication encore par rapport à est-ce que c'était un bris sur la glace ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait tempête là-bas et les gars n'ont pas réussi à se rendre? On ne sait pas encore. On espère avoir quelques informations de ce côté-là sur les réseaux sociaux des Patriotes durant la semaine. Mais bon, comme je le disais, la date reste toujours à déterminer. Et si vous voulez avoir la date, la meilleure façon, c'est vraiment de faire le tour de leurs médias sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. Vous allez chercher par Patriotes UQTR et vous allez tomber sur les pages que vous devez voir pour justement voir les dates. Ouais. Mais le deuxième soir, par contre, on jouait contre Girls, donc Queens, l'Université Queens, et on a malheureusement perdu 2-1. C'est Girls qui a réussi à mettre la main sur ce match-là. Un match qui n'était pas très, très haut en couleur. On n'a pas entendu parler comme on peut entendre parler, par exemple, des Patriots contre McGill. Ça fait quelques fois qu'on en parle. Les Patriots ont quelques difficultés cette saison-ci. C'est pas leur meilleur début de saison. Par contre, ça arrive souvent que les Patriots vont commencer leur saison justement comme ça, à reculons un petit peu avec quelques difficultés au niveau de la défensive ou quoi que ce soit, et au fur et à mesure que la saison continue dans son temps, eh bien on prouve qu'est-ce qu'on est capable de faire, mais faut quand même souligner qu'il y a 4 représentants des Patriotes qui ont été honorés au 31e gala de la FAEQ, c'est-à-dire la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. On parle entre autres de Marc-Étienne Hubert qui a été nommé dans la catégorie entraîneur par excellence d'une équipe masculine. Donc notre coach ici aux Patriotes de l'UQTR a été nommé dans cette catégorie-là. Charles-David Beaudoin a été lauréat de la catégorie leadership. On en parle souvent comme étant un gars qui peut justement apporter une différence, que ce soit sur la glace, dans le match ou encore dans la chambre des joueurs, justement parler à ses joueurs, les motiver. C'est vraiment un gars qui était reconnu pour ça lorsqu'il jouait du côté de Drummondville aussi, dans la Ligue junior majeure. Et là, on arrive à Trois-Rivières, on est capable de faire la même chose. Donc, félicitations à Charles-David Beaudoin. Il y a Guillaume Masselin qui, lui, a été lauréat de la catégorie sport d'équipe masculin et Alain Caron qui a été boursier de la catégorie recrutement. Guillaume Masselin qui a été au camp d'entraînement des recrues du Canadien, on se souvient, c'est lui qui a fait parler pendant plusieurs semaines du côté du Nouvelliste ou encore dans d'autres médias. Campus. Exactement, Zone Campus, Journal de Montréal pour en nommer quelques-uns. Même combat. Donc, on s'attendait justement un petit peu à ça, à ce que Guillaume Masselin puisse mettre la main sur lauréat de la catégorie sport d'équipe masculin, mais on souhaite, on félicite chacun des quatre représentants de nos Patriotes. Ouais. Voilà. Du côté du cheerleading, c'est la première sortie qui avait lieu cette fin de semaine. Et quand on dit que le travail hard work pays off, là, exactement, oui. Tu sais, le travail assidu est récompensé. Eh bien, c'est vraiment ce qui s'est passé du côté des cheerleaders cette fin de semaine pour nos Patriotes. On parle de plusieurs embûches depuis dernier temps, des blessures du côté de nos athlètes en cheerleading, mais les athlètes ont justement su démontrer à quel point ils travaillent fort et ils ont rendu deux superbes performances du côté de Montréal cette fin de semaine. Alors, ils ont remporté la première place au tout premier tournoi qu'il y avait, la toute première compétition de l'année. On en souhaite d'autres, bien évidemment. On les félicite. On félicite aussi l'équipe des entraîneurs qui comporte une de mes amies. Alors, félicitations Pamela Caron, qui travaille très, très fort, justement. Il faut savoir que c'est souvent calculé comme de l'amateur du côté du cheerleading et on arrive comme ça dans des grosses compétitions. L'année dernière, ça avait très bien terminé pour eux aussi. Si je me souviens bien, on avait terminé en deuxième position en fin d'année. Alors, de pouvoir commencer l'année comme ça, très, très fort, avec une première position dès la première compétition, on adore ça. Félicitations. Ouais. En parlant de cheerleading, eh bien, il y a du recrutement. Il faut le savoir, il n'est jamais trop tard pour vous joindre à l'équipe des cheerleaders, des Patriotes de l'UQTR, si jamais ça vous tente. Ils sont en session de recrutement pour l'hiver 2017. Donc, les sélections ont lieu mercredi le 7 décembre à 19h du côté du CAPS de l'UQTR. Si vous voulez toutes les informations, c'est fort facile. Vous allez sur Facebook et vous tapez « cheerleading ». UQTR et vous allez tomber sur la page où on va vous transmettre toute l'information. Vous pouvez même écrire au coach et on va vous répondre en message privé sans difficulté. C'est plate que les cheerleaders ne soient pas utilisés lors des matchs des Patriotes. Eh bien, l'année dernière, ce qu'on pouvait voir à quelques reprises, c'était une activité de financement ici à la Chasse-Galerie organisée par les cheerleaders. Et par la suite, on se transportait du côté de l'aréna pour pouvoir aller encourager justement les gars. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir encore une fois cette année. Ça serait vraiment plaisant parce que ça amenait justement de l'ambiance dans l'aréna. Et ça amenait aussi des gens qui, peut-être parfois, n'allaient tout simplement pas voir un match de hockey. Mm-hmm. Et là, on était capable de pouvoir voir cette fameuse alliance-là entre les cheerleaders et l'équipe des Patriotes au hockey. Alors, c'est quand même cool. Voyons voir si ça va arriver. Exactement. Du côté du Blizzard de Trois-Rivières, eh bien, vendredi, on a malheureusement perdu le match contre Thetford Mines avec la marque finale qui était de 5-3. On parle d'une assistance de 575 personnes, ce qui est très peu dans la Ligue nord-américaine, Mathieu. Si on va, par exemple, à Thetford Mines, parfois, on va jouer aux alentours de 900 000 1100 en nombre d'assistances. Alors ici, à Trois-Rivières, on le sait depuis le début de la saison, c'est difficile. On a changé de coach dernièrement. Il y a eu des transactions qui ont été faites. C'est vraiment difficile du côté du Blizzard. Mais cette fin de semaine, ce qu'on a pu voir samedi, c'est une remontée de l'équipe. On a pu voir justement que peut-être certains changements vont porter fruit d'ici quelques matchs. Du moins, on l'espère et on se croise les doigts. Parce que du côté de Thetford Mines, lorsque nous, on a été les visiter samedi soir, eh bien, on a remporté le match 5-4 en fusillade. Et comme je te disais, l'assistance ici à Trois-Rivières est un petit peu en baisse. Du côté de Thetford Mines, on parlait de 1007 spectateurs, ce qui est le double d'ici. Donc, est-ce que les gens de Trois-Rivières sont juste attirés par un autre type de hockey ou c'est tout simplement, justement, peut-être le manque de victoire qui fait en sorte que l'on perd quelques supporters? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est... début de saison difficile. Comme je l'ai dit, on a fait quelques transactions au courant des dernières semaines. on pourrait voir quelques changements encore arriver. Mais bon, si jamais ça vous intéresse encore, c'est quand même une bonne équipe. Et le prochain match va être ce vendredi contre Laval au Colisée de Trois-Rivières. Et c'est la soirée des toutous. C'est une activité qui est organisée à chaque année et qui amène vraiment beaucoup de gens. En fait, on ramasse vos toutous que vous ne voulez plus, tout simplement pour les gens plus défavorisés dans le temps des fêtes. Alors, c'est une bonne occasion justement d'aller voir peut-être le nouveau calibre de l'équipe, si jamais ça vous intéresse. Vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner. Oh, t'es donc bien drôle. Non. Fallait que je m'en attende. Du côté de ton équipe favorite, oui, Mathieu. Le Dominique Sion et Moustier. Le Dominique Sion et Moustier. Le climatisation Cloutier, oh! Oui. du côté de Trois-Rivières, eh bien, vendredi soir, on a malheureusement perdu le match contre Donnacona. On s'est incliné... Donald Trump. Oui, exactement. Non, c'était contre le Mécanarch de Donnacona. Donc, on s'est incliné 3-2 ce soir-là du côté du Cap de la Madeleine à l'aréna Jean-Guy Talbot. On a fait encore une fois plusieurs transactions du côté du climatisation Cloutier. Je vais y revenir dans quelques instants, mais on parle surtout d'un match en dents de scie hier soir, c'est-à-dire dimanche soir, pour le climatisation qui était du côté de Waterloo. Donc, le climatisation Cloutier prenait le chemin sur la route pour affronter justement Waterloo. Et les derniers étaient à la recherche d'une première victoire cette saison. Les finalistes des dernières séries éliminatoires attendaient que les joueurs du climatisation Cloutier prennent pied ferme, justement. On se souvient, la climatisation Cloutier était au premier rang depuis quelques semaines. Ça semble être encore une bonne chose, mais on parle d'une remontée qui a été quand même assez ultime du côté de Waterloo. Donc, les hommes de l'entraîneur Michel Deschamps ont entrepris le troisième 20 minutes avec une avance de 3 buts alors que la marque était de 4-1. Et le rapide attaquant Maxime Guyon a mis la marque à 5-1 alors qu'il a déjoué le gardien Christian Lantin d'un tir du haut des cercles qui aurait aimé justement revoir. Certaines personnes aimeraient revoir ce tir-là. Semblerait que ça ait échauffé quelques esprits dans c'est les estrades. Malheureusement, je ne peux te personne dire. Personne n'avait son sel visant ça, voyons donc. Probablement. Ouais. Si jamais ça vous intéresse, la climatisation Cloutier va être de retour à Trois-Rivières au Cap de la Madeleine, bien évidemment, vendredi. Donc, le prochain match qui va justement pouvoir avoir lieu ici, même à domicile. C'est... tout à l'heure, quand je parlais, est-ce que les gens de Trois-Rivières veulent un autre type de hockey? Ouais. Je me suis rendue du côté de l'aréna du Cap de la Madeleine samedi soir pour justement assister à ce match-là. Et l'aréna était pleine. Ah, oui? L'aréna était pleine. On veut une équipe gagnante à Trois-Rivières, ouais. Donc veux, veux pas. Lorsqu'on a une équipe gagnante qui est au premier rang et qui se battait ce soir-là contre le deuxième rang, c'est quelque chose qu'on a voulu voir et vraiment pas cher. Ça amène du monde et il y a de l'ambiance comme ça n'a pas de bon sens. Mmh. Alors, j'ai comme l'impression que c'est peut-être ce qui manque du côté du Blizzard de Trois-Rivières. Ouais. Est-ce qu'ils ont un petit slogan cute, là, genre « climatisation Cloutier, ça fait froid dans le dos » C'est non, cool! Ou du moins, je ne l'ai pas entendu, hein? Mais on a une mascotte qui s'appelle Iceman. Oh yeah! Oh. Et c'est joué par Arnaud Schwarzenegger. C'est ça! Je parlais de transactions tout à l'heure pour l'équipe. Bien, le directeur général du climatisation Cloutier a effectué des transactions majeures hier après-midi. Donc, ça inclut 7 joueurs au total. Hey, ça a dû coûter cher de frais chez les jardins sur les transactions de même. Oh mon Dieu, t'as pas d'allure. Donc, l'organisation met la main sur le défenseur vedette Louis-Patrice Giguère, qui provient des Loups de la Tuque. Et ce dernier est accompagné de l'attaquant Michael Gagnon et du gardien de but Kevin Harbour. Tout d'abord, Giguère est considéré comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue. Il s'amène avec une fiche de 1 but et 6 passes en 8 matchs cette saison. Et ce dernier est reconnu pour un excellent travail dans les deux sens de la patinoire, pour son implication physique aussi. Et il n'a également aucun problème à jeter les gants lorsque la situation l'exige. C'est ce qu'on retrouve dans cette ligue-là, il faut le mentionner. Donc, si jamais vous êtes du genre à vouloir voir justement des gars qui ont pas peur de dropper les gants, comme on dit en bon québécois, c'est quelque chose que vous allez voir en allant voir la Ligue de Seigneur A de la Mauricie. Ça arrive à plusieurs moments dans un match, tout dépendant de comment les esprits s'échauffent sur la glace. Et de son côté, Michael Gagnon s'amène avec sa fiche de 8 buts et 12 passes en 13 matchs. Donc, ce dernier a fait la pluie et le beau temps dans la Ligue de hockey collégiale et il a pivoté la première ligne avec les Loups de la Tuque aussi. Et pour ce qui est de Kevin Harbour, il viendra donner une profondeur additionnelle pendant l'absence du gardien Christian Lantin, qui est présentement blessé. C'est pourquoi on est allé chercher un autre gardien de but du côté du Cap de la Madeleine. Et il y a quelques autres joueurs qui se sont ajoutés à ça. Si jamais vous voulez tous les détails, c'est pas très compliqué. Vous allez sur la page Facebook du Climatisation Cloutier. Wow, quelle belle pub! Oui, c'est fou, hein? Voilà. Ça me paraît comme la fille qui fait les pubs, c'est fou. Ah ben, c'est donc bien drôle. Elle me dit quoi, elle, justement? Donc, c'est ce qui s'est passé du côté du monde du sport à Trois-Rivières et en Mauricie aussi cette fin de semaine. Lundi prochain, on aura d'autres nouvelles. C'est le fun, ça. Tous les lundis à 8h, 8h30, 9h, dépendant de la semaine. Et lundi. Oui, ensemble, exactement. Tu vas nous faire Tania is gonna tutini à tantôt, donc restez à l'écoute pour ça. Moi, je vais vous faire du site un fait dans quelques instants, mais avant ça, on écoute une bonne grosse pièce de Groenland, tant qu'à être avec Climatisation Cloutier, là où il fait fret. Hein? Ah oui! Voici Times of Survival. Assemblage requis. Sur les ondes de Cifou 89 FM. So tired, I let sleep, yeah, you got both eyes. It's not what you lose, it's what you gain. A clean slate for the will intention. Count it down to the chase. Oh, sound aiming right at my face. I'm weak and easily wounded. These are our times. of Survival, Groenland, dans Assemblage requis. Oui, au retour de la pause, c'est un fait pour bien apprendre en se levant le lundi. Restez là. Le lundi. Le lundi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Lundi 5 décembre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Comme le disait le silence précédent juste après la publicité, c'est que je suis en train de charger les liens pour C'est un fait. Pendant que les liens de C'est un fait se chargent, c'est le moment d'en apprendre plus sur les nouvelles de l'UQTR. Est-ce que tu es en train de me dire qu'on va aller écouter l'Info Campus? Ouais. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. La Galerie R3 de l'UQTR organise une expo vente bénéfice jusqu'au 9 décembre. Plus d'une cinquantaine d'œuvres d'étudiants de l'UQTR seront en vente. Les profits financeront la Galerie d'art. Tous les détails sur la page Facebook de la Galerie R3. Le Café Frida lance son appel de proposition d'exposition pour l'année 2017. Les artistes intéressés doivent soumettre une description de la pratique artistique, une présentation du projet et une image par œuvre. Tous les détails du concours sont disponibles sur la page Facebook du Café Frida. L'organisme Équiterre lance la 9e édition de la bourse L'Or Varidel. La bourse d'un montant de 10 000 $ a pour but d'aider un étudiant ou une étudiante au cycle supérieur dont le sujet de recherche porte sur un enjeu environnemental. La page Facebook d'Équiterre donne tous les détails et la date limite pour soumettre votre candidature est le 15 janvier 2017. L'AGE UQTR lance des appels de candidature pour deux postes. D'abord, le premier poste est celui de la présidence d'Assemblée des réunions du CA. Une compensation monétaire est offerte. Ensuite, l'AGE UQTR souhaite mettre sur pied son comité électoral bénévole. Pour postuler à l'un des deux postes, veuillez écrire à secgen, S-E-C-G-E-N, à commercial-uqtr.ca avant le 9 décembre, 17h. Le mercredi 14 décembre se tiendra l'activité Tire-toi une bûche. Le service aux étudiants invite les étudiants à déguster des guimauves, chocolat chaud, saucisses et bouillon de poulet. L'ensemble vocal de l'UQTR est l'artiste invité. L'événement aura lieu en face de la place Gilles Boulet et l'activité est gratuite. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. Ah, miam, du bouillon de poulet et de la saucisse. Ah, ça va. Donc, l'Info Campus, qui est écrit par David Ferron, rédacteur en chef du journal Zone Campus. Le dégoût de Tania Baudin est là pour les... Oui, exactement. T'aimes pas le bouillon de poulet et les saucisses? Je trouve que c'est un mélange de bizarre mélange, tout ça. Mais si les saucisses étaient dans le bouillon de poulet, t'aimerais ça. Fait que c'est quoi la différence? Non, j'aimerais pas plus la ça, soupe aux saucisses, t'aimes pas ça? De la soupe aux saucisses? Je sais pas. Qui mange ça? Ça c'est le soupe? Non? Non. Bref. Vous pouvez entendre l'Info Campus deux fois le matin à Assemblage requis, une fois avant l'émission, une fois dans le milieu, ensuite à midi et puis à 18h du lundi au jeudi. Une nouvelle capsule tous les lundis, c'est sa deuxième présentation à cette capsule-ci. Bravo à toute l'équipe. Maintenant, on en sait assez sur les QTR, ça va faire. On doit en apprendre des choses un petit peu plus généralistes, peut-être des choses pour le plus grand public, pour que tout le monde se sente inclus dans l'apprentissage. Bonne idée. Tu sais, quelqu'un qui est là et qui n'est pas à l'UQTR, s'en sac-tu de ce qui se passe à l'UQTR? Oui. Hein, bon. Donc, ça a pris 2 minutes de votre temps. Hein? C'est maintenant, ça, ben, pas le choix. Maintenant, ben, c'est un fait. T'sais? Exactement. C'est ça. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la grande des choses vérifiées, véritables et vérifiables selon Internet. Tania, t'as pas chanté. Non, je sais. Ça fait juste... Est-ce que t'as oublié? J'étais en train d'ouvrir les liens et honnêtement, voilà. J'ai carrément oublié. Pas capable de faire deux choses en même temps. C'est très difficile pour moi de faire deux choses en même temps. Ben, je suis sûre que j'ai un cerveau d'homme parfois. C'est comme moi qui essaie d'ouvrir les liens Et en plus de jouer une introduction d'émission, l'ordinateur n'est pas capable de gérer ça. C'est ça. Pas capable. Donc, commençons par une start-up, une petite compagnie, une nouvelle compagnie qui nous livre une orchestre. Directement à votre appartement aux États-Unis. C'est pas tout le monde qui a l'argent ou l'énergie pour aller regarder, être témoin de la musique classique à une symphonie. Donc, si vous voulez écouter un orchestre en direct devant vous, sans même enlever vos pyjamas, vous pouvez commander Group Muse. Selon Wired, c'est une start-up qui organise des programmes instrumentaux entre 25 et 60 minutes dans votre salon pour un prix suggéré de 10 $ par spectateur. J'ai entendu parler de ça. C'est comme un style Uber, là, les fameux taxis Uber. Puis c'est l'orchestre qui débarque chez vous. C'est vraiment cool. J'adore ça. GroupMuse.com, fondateur Sam Bodkin a été inspiré après être tombé en amour avec la musique classique au collège. Pour vrai, la musique classique, là, si vous ne connaissez pas encore la musique classique tant que ça, honnêtement, allez faire un tour sur Spotify. C'est vraiment cool. C'est merveilleux pour la concentration. Ah, oui. Lorsque vous êtes en train de travailler ou d'étudier. Moi, c'est musique classique et big band. Je trouve que c'est vraiment très, très bon, les deux, pour varier un petit peu dans le même genre, mm-hmm. le même genre de type d'instrument. Donc, si vous voulez partager l'expérience de vivre ça en direct avec des gens sans avoir à sortir et sans avoir à peut-être côtoyer des gens un petit peu trop fancy pour vous, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc, il a décidé d'amener la musique à eux. C'était fondé en 2013. Ils ont fait plus de 120... Oui, c'est ça. Donc, ils ont donné à plus de 1200 étudiants et musiciens professionnels l'opportunité de jouer des concerts intimes chez quelqu'un. Les gens qui sont intéressés peuvent envoyer des démonstrations de leur travail à Group Muse pour être approuvés, parce que c'est ça l'idée, c'est que ce n'est pas des musiciens qui feraient des spectacles à plusieurs centaines de dollars de billets. Non, c'est ça. C'est des étudiants en musique, des étudiants dans des conservatoires de musique. Donc, c'est la compagnie aime ce qu'ils entendent et ils peuvent matcher les musiciens avec un endroit pour les héberger. On peut jouer dans des espaces de 10 personnes lorsque c'est des artistes en solo et des quartettes peuvent jouer jusqu'à 50 personnes. C'est toujours de la musique classique pour le premier, pour les solos. Le deuxième, les quartettes, ça peut être au choix de la personne qui joue de la musique. Donc, ça peut être du Guns N' Roses, ça peut être de la musique brésilienne, peu importe. Ils jouent devant des publics plus jeunes et après ça, ils peuvent se rendre à faire de vrais concerts. On dit que 20 concerts Group Muse qui sont faits partout dans le pays à chaque semaine, 70% des personnes qui s'y présentent sont nées dans les années 80 ou 90, donc c'est vraiment c'est le retour de la musique classique. Oui, exactement. Voilà. Est-ce que c'est disponible au Canada? Est-ce que tu sais? Je ne crois pas, non, malheureusement. C'est triste. Faites la même chose au Canada. Exactement. On demande un code zip code sur le site groupmuse.com. Peut-être qu'il y a un équivalent, mais qui ne porte pas le même nom au Canada, je ne sais pas. Présentement, je viens de voir, c'est seulement à Boston, New York, Seattle et dans la baie de Californie. Pas commanditaires, mais principaux partenaires de la station de radio WCRB 99.5. Donc, allez voir leur site groupmuse.com. Ensuite, on parle du territoire international en plein milieu de la ville de New York. Oh, OK. Si tu entres à Little Odessa à New York, où les trottoirs sont remplis de petits kiosques qui vendent du caviar et les pancartes sont russes, oui, ben vous avez l'impression d'avoir quitté le pays. C'est parce que ça se passe en plein milieu de Manhattan, dans Midtown Manhattan. Et puis, c'est un territoire complètement externe. Plusieurs personnes ne réalisent pas que les Nations Unies, en fait, c'est un territoire international défini sous le nom de extraterritorial, ce qui veut dire que ça ne suit pas les règles locales. Mm-hmm. Comme les Nations Unies nous expliquent, aucun officier fédéral, d'État ou local, ou officier des États-Unis, que ce soit administratif, judiciaire, militaire ou policier, peut entrer les quartiers généraux des Nations Unies, sauf selon le consentement ou les conditions du secrétaire général de l'organisation. Donc, l'histoire nous montre, en fait, que c'est un territoire assez fascinant. La souveraineté était un sujet chaud au moment où les Nations Unies ont été établies, juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945, pour donner un terrain donc neutre pour les pays. Le gouvernement canadien a offert de donner son île Navy Island dans la rivière du Niagara. C'est donc un bassin d'eau qui marque la frontière entre le Canada et les mm-hmm. États-Unis. Mais deux mois après la formation des Nations Unies, le Congrès a voté pour inviter l'organisation à la base... aux États-Unis. Plus de 200 sites à travers le pays ont commencé à se joindre à ce quartier général-là, exactement. Et le professeur en histoire de Rogers, professeur au féminin, Charlene Myers, raconte dans son livre « Capital of the World, The Race to Host the United Nations ». Ils ont des endroits qui sont loin de tout, comme les Black Hills, dans le Dakota du Sud, ont été considérés. Donc, il y a eu une grosse compétition pour ça. Et à la fin, un don de 8,5 millions de dollars de la famille Rockefeller a placé les quartiers généraux dans un complexe, un endroit logistiquement complexe, oui, de New York. Le cadeau était donc un terrain de 18 acres à Manhattan, près de la East River, avec vue sur cette rivière. Donc, c'était un quartier industriel à l'époque qui était un petit peu mal en point. Et les Rockefellers étaient propriétaires d'un bloc appartement de l'autre côté de la rue. Ça dit que, qu'on a installé des règles explicites. Que les Nations Unies étaient liées par un accord avec les États-Unis, son pays hôte, pour empêcher les quartiers généraux d'être utilisés comme refuge pour les personnes qui essaient d'éviter l'arrestation sous les lois fédérales d'État ou locales. Les gens qui sont renvoyés, rejetés par le gouvernement américain n'avaient non plus le droit d'utiliser les quartiers généraux des Nations Unies pour essayer d'éviter l'arrestation. Non, c'est ça, exact. Étant donné qu'il n'y a pas de loi là-bas. C'est ça. Donc, on n'a pas aucun... Il n'y a pas de preuve, mais il n'y a aucun enregistrement de ça. On ne croit pas qu'il y a eu de naissance dans les quartiers généraux des Nations Unies. Parce que, évidemment, s'il y avait une naissance là, ce serait un territoire international. Tu n'es pas vraiment physiquement aux États-Unis. Exactement. Donc, ça pourrait être un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ce qui est arrivé de plus près de ça, c'est un bébé qui a été livré à quelques blocs de là par un policier pendant l'heure de pointe du matin. C'était en 2016, cette année. Il n'y a pas eu non plus de crime majeur qui a été commis dans ce quartier-là, les Nations Unies qui sont encore une fois à l'extérieur des lois américaines. Mm-hmm. En essayant d'éviter la loi, on aurait pu commettre des crimes-là, mais ce n'est pas encore arrivé. Le plus violent incident qui a eu lieu est en 1964, un bazooka qui a été tiré. On a tiré du bazooka de l'autre côté de la East River pendant un discours de Che Guevara. D'accord. Ouais, et une femme qui essaie de l'attaquer avec un couteau. Oh! Bref. Pour les New Yorkais qui n'aiment pas. On dit que Montréal et Dubaï ont été offerts comme nouveaux sites de quartier général, mais depuis que les Nations Unies ont refait le design de leurs quartiers généraux depuis les dernières années, on ne croit pas que New York va perdre ses 18 acres de territoire international, parce que ça pourrait encore changer, mais en tant que tel, ça va rester pour l'instant. Mais il y a toujours les ambassades de différents. Ouais. Tu sais, si exemple. C'est pas la même chose que les Nations Unies. Non, c'est ça, exactement. Il faut faire la différence. Exactement. Ensuite, on parle souvent de micro-maisons. Tu sais, petites maisons, il y a des émissions de télé là-dessus. Ben oui. Maintenant, le plus vieux centre d'achat du monde est rendu un bloc de micro-appartements. Pas vrai? Ouais. c'est The Arcade Providence, qui est le plus vieux centre d'achat intérieur aux États-Unis. C'est situé à Providence, dans le Rhode Island. Construit en 1828, ça a été désigné comme un endroit historique, protégé dans un National Historic Landmark. Mais ce n'est plus vraiment un centre, d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, en fait, en 2013, Northeast Collaborative Architects ont changé ça en 48 micro-appartements, en plus de 17 petits magasins à l'étage, sur le plancher, là, sur l'étage rez-de-chaussée. Le logement coûte très peu cher, 550 $ américains par mois. La seule attrape, c'est que les petits appartements sont tellement populaires qu'il y a une longue liste d'attente pour pouvoir en avoir un. Il y a une petite vidéo de 15 minutes où on peut entrer à l'intérieur de la bâtisse, voir les appartements de 225 pieds carrés et voir comment c'est pratique ou pas pratique. Il y a même du Wi-Fi gratuit dans les appartements. Ailleurs dans le monde, les centres d'achat changent. Le Metro North Mall de Kansas City est maintenant complètement abandonné, mais il est redéveloppé en centre communautaire à utilisation mixte. Entre autres, 117 000 pieds carrés pour des unités résidentielles. Le gigantesque West Edmonton Mall, j'imagine que c'est au Canada, ça, Edmonton? Ouais. Oui. Qui contient plusieurs hôtels, pour faire de liaison avec un H apparemment. Il prévoit aussi développer des appartements. Au Japon, le Morinomiya ben oui. Q Mall qui est hébergé dans un ancien stade de baseball qui est fait pour s'entraîner, donc des centres de conditionnement physique. Le Destiny USA Shopping Mall à Syracuse dans New Jersey, un terrain de golf miniature, des go-karts et même un gym pour faire de l'escalade et une scène de nuit nightlife, donc vibrante, nous dit-on. Des centres d'achat qui se changent avec le temps, un peu comme on change les églises. Un jour, on va peut-être changer les centres commerciaux parce que les gens achètent sur Internet. Ensuite, nos mauvaises habitudes de sommeil coûtent des milliards de dollars à l'économie chaque année. Entre le fait qu'on travaille non-stop pendant la journée, qu'on a de mauvaises habitudes de vie et l'effet de la lumière bleue de nos appareils électroniques, entre autres, c'est bien normal qu'un Américain, un adulte américain sur trois n'ait pas assez de sommeil nord-américain, bien sûr. Donc, tous ceux qui ont vécu un manque de sommeil peuvent savoir que ça a un impact sur notre vie quotidiennement. Mais une nouvelle recherche nous apprend que ça a un effet sur l'économie américaine aussi. Selon Quartz, un manque de sommeil va donner en général 1,2 million de journées perdues par année. Donc 411 milliards de dollars par année. Oh, ouais. Ouais. C'est la firme Rand. Oh, ouais. Qui a fait cette étude-là sur les coûts économiques du manque de sommeil en comparant les chiffres donc par rapport au Royaume-Uni en 2013. Selon une étude de la National Sleep Foundation, ils ont étudié les habitudes de sommeil dans 5 pays. Et selon eux, les travailleurs qui dormaient moins de 6 heures par soir, par nuit, en tout cas, moi, je m'inclus là-dedans facilement. Oui, ouais, exactement. Voilà. Si on regarde ma nuit passée, c'est exactement ça. Pas mal ça. Sinon, un petit peu moins. Donc, on dit que c'est à 2,4% de perte de productivité par rapport à ceux qui dorment les heures recommandées entre 7 et 9 heures. Même les employés qui dorment... Heures. Je sais bien, sérieusement. Qui dort 9 heures? Je sais pas si... Qui ont des cours tard, ceux qui n'ont pas de job, je sais pas. Même les employés qui dorment entre 6 et 7 heures, juste en dessous du minimum demandé, sont à 1,5% moins productifs. La mauvaise performance au travail est due, évidemment, au fait qu'on soit un petit peu genre. Pas down, mais un petit peu genre. Tu sais, on dit groggy des fois, genre. Mm-hmm. Un petit peu. Pas tout à fait en forme. Et ça donne des pertes à la compagnie. En fait, le rapport nous dit que la productivité réduite par donc les travailleurs qui dorment pas tellement, ça donne 6 journées de travail manquées par année de plus. Eh, OK, quand même. Oui, en général, ces employés fatigués-là retirent 2,28% de l'argent produit par l'économie aux États-Unis. Rand admet que les compagnies moyennes jusqu'à large... que le nombre d'employés dans ces... ça parle des 62 000 sujets de ce rapport-là. Le reste des détails, c'est peu important. Les recherches du passé nous apprennent aussi que les gens qui dorment moins ont plus de chances d'attraper un rhume. Mm-hmm. Ils vont vivre aussi de l'anxiété, de l'angoisse et vont avoir de la difficulté à se former des mémoires, des souvenirs dans leur tête. De mauvaises habitudes de sommeil peuvent mener à des effets à long terme aussi, comme un risque augmenté de certains cancers et d'autres problèmes de santé. Une nuit de sommeil complète, si c'est pas déjà une priorité dans votre vie, vous devriez faire de ça une priorité, nous dit l'article de Mental Floss. Après s'être couché à une heure raisonnable, toujours la même heure à chaque soir, comme on dit. Oui. Encouragez votre corps à s'endormir plus rapidement en éteignant vos... ça dit en baissant la luminosité, on pourrait aussi dire en éteignant vos appareils électroniques le soir. Et utilisez une machine de white noise, du bruit blanc, pour enlever les sons qui pourraient vous déranger à l'arrière-plan. Et si tout ça ne fonctionne pas, vous pourriez demander à votre docteur, votre médecin, si vous avez un désordre du sommeil qui pourrait être la cause de vos nuits. Oh. Nous, on pourrait aussi demander si c'est peut-être pas la faute du fait qu'on se lève tôt pour allumer tôt. C'est probablement ça. C'est sûrement ça. Allons-y avec quelques faits en rafale, toujours bien intéressant. Des nuages qui ressemblent à des vagues qui sortent de l'océan, ça existe. OK. Tu sais, des vagues, là, comme on dessinerait des vagues. Les vagues en tant que telles ne ressemblent pas vraiment à ça dans la vraie vie. Non, c'est vrai. Tant que ça, mais bon. Donc, ça s'appelle... Mais lorsque tu es un enfant puis tu dessines des vagues, ça ressemble à ça. Et voilà, le classique. Ça s'appelle les nuages Kelvin-Helmholtz. C'est des nuages qui se forment entre deux couches d'air avec différentes densités et différentes vitesses. Ça donne des nuages qui ressemblent à des vagues. Vous pouvez voir les photos sur assemblagerequis.com. Il y en a aussi une sur la planète Saturne formée par l'interaction entre deux couches de l'atmosphère de la planète. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, le mot « fuck » était utilisé si souvent qu'on considérait ça notable, notoire, comme on comme F-U-C-K ou fuck? Non, fuck, comme le mot « fuck », okay. F-U-C-K, c'était considéré différent ou spécial lorsque quelqu'un ne l'utilisait pas. Par exemple, « va chercher tes fucking armes », ouais. C'était considéré comme quelque chose de routinier, alors que « va chercher ton arme », c'est quelque chose d'urgent. Oh, d'accord. Tu vois, maintenant, c'est rendu le contraire. Ouais, ouais. C'est vrai. Un homme à Portland, en Oregon, joue le truc écossais, l'instrument avant là, que tu souffles, que tu... Cornemuse, merci! Fait plaisir. Un homme de Portland, en Oregon, donc joue la cornemuse, une cornemuse qui tire des flammes de feu, oui, déguisée en Darth Vader, Se promenant sur un unicycle, le vélo à une roue, là, comment on appelle ça? Tu sais, des fois, je me demande ce que certaines personnes pensent. Faire parler d'eux. Ouais, mais tu sais, qu'est-ce qui te dit, genre, tu devrais tellement jouer de la cornemuse avec déguisé en Darth Vader. Tu te mets sur un unicycle déguisé en Darth Vader. C'est ridicule. L'homme s'appelle Brian Kidd. On l'appelle Unipiper, cornemuse, bagpipes. Mm-hmm. En 2005, il étudiait la biologie marine à l'Université de la Virginie. Il apprenait à jouer de la cornemuse et a trouvé un unicycle dans une poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évidemment pris pour apprendre à se promener dessus. En 2007, il travaillait avec en stage payé un aquarium en Caroline du Nord. Wow, les détails, hein? Il performait à des mariages avec sa cornemuse parce que, surprise, surprise, c'était le seul qui était joueur de cornemuse dans le coin. Bref, et là, le reste de l'histoire continue très très longtemps. Il s'est marié avec l'amour de sa vie. Son nom s'appelle Sarah. Son nom, c'est Sarah, oui. Il s'est habillé en kilt. Ben oui, puis en Darth Vader. Et voilà, en Darth Vader, parce qu'elle aime les gars en kilt. Oh mon Dieu. Ouais. Allez voir le reste de l'article pour tous les détails sur Grenu, sur le site de l'émission. Ensuite, un vétéran de l'armée, Don Carcos, il a perdu la vue à cause d'un shrapnel. C'est un morceau de... Ça peut être une balle de fusil, quelque chose comme okay, ça. OK, oui, une écarlate, Une écarlate d'une grenade lors de la Deuxième Guerre mondiale. 64 ans plus tard, il s'est fait frapper sur la tête par un cheval exactement au moment où l'écartel était ce qui lui a redonné la vue. Hein? Mais non. Je te jure. Pour vrai? Don Carcos, K-R-K-O-S. Il y a des choses comme ça inexplicables, bizarre, parfois. Un homme nommé Dan Goodwin a grimpé au sommet de la tour, une des deux tours, bien sûr, du World Trade Center en 1983 pour attirer l'attention au fait que c'était difficile de sauver des gens qui étaient dans les niveaux les plus élevés et plus hauts de la tour. Puis, comment il a fait pour descendre? Ben, j'imagine qu'une fois qu'il était en haut, il a pu juste entrer dans la bâtisse puis descendre par l'ascenseur. Ah, probablement, oui. J'imagine. Oui, sûrement. J'avoue. Ensuite, est-ce que t'as entendu parler de l'histoire de la jeune fille de 14 ans qui est congelée parce qu'on veut trouver une façon de la sauver plus tard? Quoi? Non. Ouais. Le film Idiocracy l'a fait en 2006, mais avec le personnage de Luke Wilson qui était congelé, qui s'est réveillé plusieurs centaines d'années dans le futur. Bien sûr, tout ça était totalement satirique, mais on dit que la réalité serait peut-être similaire. En fait, ça fait partie de l'histoire d'une fille britannique qui s'est fait congeler après sa mort du cancer à l'âge de 14 ans. La jeune patiente qu'on appelle JS a pétitionné la cour la plus supérieure là, de Londres pour avoir la permission que son corps soit envoyé à l'Institut cryonique du Michigan. Une bâtisse, un endroit où on congèle les corps espérant qu'un jour la science puisse les ramener à la vie. Elle dit qu'elle avait seulement 14 ans, donc elle voulait vivre, qu'elle avait fait sa recherche et que les chances de trouver une cure à sa maladie et la ramener à la vie était assez pour justifier les 46 000 $ américains que ça prend pour faire la procédure. Ses parents, évidemment, hein, sont riches. Hein. Ben là, j'imagine. Étant donné que la fille était mineure, on peut dire était, est-ce qu'on dit est? Parce qu'elle est encore gelée, elle pourrait revenir. Donc, elle est mineure. Non, mais elle est décédée quand même. Je sais pas. Donc, le juge a donné, a accepté que ses parents, en fait, ils ont, les deux étaient divorcés et les deux étaient en désaccord par rapport à cet arrangement-là. Ben, t'sais. La fille était pour la cryopréservation et le père pas tant. Hein? Bref, le père disait que même si le traitement avait du succès et que JS revenait à la vie, disons dans 200 ans, on va peut-être pas trouver quelqu'un de sa famille, peut-être qu'elle retrouvera pas, elle se rappellera peut-être pas des choses de sa vie et peut-être qu'elle va être dans une situation désespérée étant donné qu'elle va avoir seulement 14 ans. Et qu'elle va être aux États-Unis alors que le monde va avoir changé dans 200 ans. C'est vrai? C'est vrai. Les implications éthiques de la cryogénisation sont encore plus extrêmes dans ces cas-là. Donc, les scientifiques pensent que les gens qui vont se réveiller d'un long sommeil de plusieurs siècles pourraient ne pas avoir de souvenirs. Et s'ils en ont, ils pourraient être fondamentalement changés, que ce soit physiquement, mentalement ou les deux. Bref, de quoi ça va avoir l'air? On ne sait pas. Peut-être que ça pourra même pas fonctionner, son histoire. Peut-être qu'elle va pas jamais pouvoir se réveiller. Ils font quoi, hein, sinon? Je sais pas. C'est bon. C'est quelque chose. Une fille de 14 ans en Grande-Bretagne. Ensuite, Edward Pickering, le directeur de l'Observatoire de Harvard, a décidé d'engager une équipe de femmes parce qu'il était très frustré envers ses assistants masculins. Il a déclaré que sa femme de ménage pourrait faire quelque chose, un meilleur travail qu'eux. Donc, il a décidé d'engager sa femme de ménage. Ben, okay. Et après ça, il a engagé une équipe de femmes. Et il a découvert que c'était beaucoup plus, que ça allait beaucoup mieux et qu'elle était capable de mesurer la distance entre les étoiles lorsqu'on leur enseignait. Donc, ça a commencé à changer les choses. Girls Power. Girls Power. Et il y a un article complet sur assemblagerequis.com. On appelle l'équipe de ces femmes-là les Harvard Computers. Oh, d'accord. Ensuite, il y a un homme de 101 ans nommé Dobry Dobrev. Dobry Dobrev, qui marche plusieurs kilomètres par jour pour supplier aux gens de lui donner de l'argent. Et ensuite, il donne son argent à des causes charitables. Pour vrai? De Brève, qui est né le 20 juillet 1914 dans le village de Bailovo. Son père est né à la Première Guerre mondiale et sa mère a dû élever les enfants tout seul. De Brève ne se rappelle pas de sa jeunesse et de son école. Il a décidé de se marier en 1940, c'est environ au moment où la Bulgarie a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, bref, il y a une bombe qui lui est tombée dessus. Il a presque perdu son ouïe. De Brève et sa femme ont eu 4 enfants. Il a vécu plus longtemps que 2 de ses propres enfants. Oh, c'est dommage. Ouais, et à travers les années, De Brève s'était détaché aux aspects, des aspects matériels de sa vie et a dévoué sa vie au monde de la spiritualité. Il a donné tout ce qu'il possédait et il marche 25 km dans la ville à chaque jour pour demander de l'argent aux gens qui va aller cet argent-là à la restauration de monastères bulgares qui sont en train de se détruire et puis les factures d'électricité pour des orphelinats, entre autres. Il a donné plus de 50 000 euros jusqu'à maintenant et en langage bulgare, son nom veut dire gentillesse. Oh, c'est gentil. Ouais. C'est gentil. C'est très gentil. Ensuite, ça aussi, c'est très, très gentil et sucré, doux, sweet. Hein? Étant donné le manque de chocolat pendant la Deuxième Guerre mondiale, Pietro Ferrero, tu connais peut-être le nom Ferrero? Si, signor. Qui voulait donc créer un délice, une gâterie chocolatée qui serait abordable pour les familles en difficulté financière. Le résultat était une super crème, donc super crema, une tartinade faite avec juste un tout petit peu de chocolat. Mais beaucoup, beaucoup de noisettes. Ooh. Et c'est ce qu'on appelle maintenant le Nutella. Ah, c'est-tu pas merveilleux? Le meilleur solide liquide, tartinable. Le meilleur mou. Brun au monde. Le meilleur brun mou au monde. Attends, là, parce que le café, c'est brun et mou. Et liquide, mais pas solide. Exactement. Ensuite, on passe de Ferrero à Morano. La seule personne vivante, encore aujourd'hui, qui est née dans les années 1800. Ooh. Le 29 novembre, en date d'il y a quelques jours à peine, était une de 5 personnes de l'histoire, selon les dossiers là, qui ont été enregistrés, qui s'est rendue à l'âge de 117 ans. Et c'est beaucoup! Ensuite, en 2005, un mouton a sauté en bas d'un ravin en Turquie. 1500 moutons l'ont suivi. Environ 1100 de ces moutons-là ont survécu parce qu'ils sont tombés sur une pile de moutons. Ça calme ta chute. C'est, hein? Le premier mouton a sauté évidemment à sa mort, ce qui a étonné les bergers turcs qui avaient laissé donc les moutons seuls alors qu'ils allaient manger leur déjeuner. Ils ont regardé 1500 autres moutons tomber, chacun de la même montagne, selon les médias turcs. À la fin, 450 animaux morts étaient un par-dessus l'autre dans une grosse pile blanche. Le journal de Axem a dit que ceux qui avaient sauté plus tard ont été sauvés parce que la pile était de plus en plus haute et de plus en plus coussinée. Voilà. C'est comme les Lemmings. Ah, celui-là, c'est vraiment triste. Un homme qu'on pensait dans un état végétatif était capable de dire aux scientifiques qu'il n'avait pas de douleur. Et je cite, « Nous l'avons scanné plusieurs fois et l'activité dans son cerveau nous montre qu'il choisit de répondre à nos questions. Nous croyons qu'il sait qui il est et où il est. » Ah, ouais. Selon les scientifiques. C'est vraiment triste. Ensuite, l'hexafluor, il y a sûrement un mot en français pour ça, l'hexafluor de sulfure, qui est un gaz sans odeur et sans couleur, qui est beaucoup plus dense que l'air et qui peut donner l'impression que les choses flottent sur rien du tout. Oui. On voit un petit gif animé sur assemblagerequis.com qui nous montre un morceau de quelque chose flotter dans les airs et on peut prendre dans un contenant ce gaz-là et le verser sur la forme et ça va descendre un petit peu dans la gravité, bref. C'est aussi le même gaz qui donne une voix profonde. Mm-hmm. C'est le contraire du gaz qui me donne la voix aiguë. Qui est à dire l'hélium. C'est ça. Ensuite, à Lexington, au Kentucky, on accepte les cannes de conserve comme paiement pour des contraventions de stationnement pour pouvoir nourrir les sans-abri. Ah, c'est une bonne idée. Ben oui. Une femme a créé un faux profil Facebook d'une adolescente et a envoyé une demande d'amitié à son mari. Elle a ensuite utilisé la transcription de leur conversation pour le faire arrêter. Il a été libéré et toutes les accusations ont été abandonnées quand il a donné un affidavit signé par un notaire prouvant que dès le départ, il savait que c'était sa femme. Oh! C'était daté avec un notaire et tout ça d'avant, du début de la conversation. Genre, je te jure que ma femme va faire ça. C'est ça. Ou genre, je sais que la demande d'amitié, c'est ma femme. Genre. Peut-être par sa façon d'écrire. Ouais, peut-être. C'est difficile de se cacher de ta façon d'écrire. Mais elle essayait de faire quoi à elle? De faire en sorte qu'il se fasse pogner pour pédophilie? De prouver que son mari la trompait, peut-être, je sais pas. Ça le dit pas, mais probablement pédophilie, ouais. Sûrement. Ensuite, une flotte de 29 000 petits canards en caoutchouc navigue font leur chemin autour du monde dans les océans depuis 1992 après être tombés d'un bateau de cargaison là, en plein milieu de l'océan Pacifique. Les scientifiques retracent les mouvements des canards pour en apprendre plus sur les océans, sur les courants des océans. Ben c'est donc bien drôle. C'est super cute, en plus ils sont tout mignons. Avec des lunettes de soleil, tu sais, les vrais canards. Là. Ouais, genre piscine trivie, là, c'est sûr. Je sais pas. Mais ils ont des lunettes de soleil. Club piscine, c'était pas Club piscine qui offrait un canard jaune dans le temps. Quand t'achetais quelque chose. Oui. Ah, wow. Chanceux. Ensuite, la course d'éléphant. Elephanten Rennen. Ben oui. C'est un terme. Elephanten Rennen. C'est le mot allemand pour lorsqu'un camion essaie de dépasser d'autres camions, mais avec presque pas de différence dans la vitesse. Tu sais, là, les camions, ils prennent toute la place. Ils bloquent toute la circulation. Exactement. Parce qu'ils vont pas assez vite pour dépasser l'autre. Ça s'appelle une course d'éléphant. Il y a même un petit dessin, une caricature. C'est très frustrant. Très frustrant. Course d'éléphant, voilà. Ensuite, lorsqu'un bateau américain, le USS Independence, CV-62, a flashé le vaisseau italien Amerigo Vespucci avec un signal lumineux leur demandant « Où êtes-vous? » Le bateau leur a répondu « Le bateau de training Amerigo Vespucci de la marine italienne, le bateau américain a répondu, et je cite, « Vous êtes le plus beau bateau du monde. » Wow! Le Amerigo Vespucci, le plus beau bateau du monde. Ensuite, Edgar Allan Poe, qui a écrit un roman, une nouvelle, où un groupe de survivants de bateaux, justement, un bateau qui était tombé à la mer, là. Donc, bref, dans ce bateau-là, les survivants tiraient à la courte paire, entre guillemets, ils avaient fait un concours pour voir dans le livre le perdant du jeu, et le perdant allait se faire manger. Le garçon qui perdait dans le livre s'appelait Richard Parker. Okay. 50 ans plus tard, un bateau américain a coulé et les survivants ont tiré la courte paille et le perdant, devine son nom? Richard Parker. Richard Parker. Oh my God! C'est incroyable. Prémonition. C'est fou? Ouais, c'est Edgar Allan Poe. Ah, ce cher Edgar Allan Poe. Ah oui. Ensuite, vous avez exactement, Tania, tu as exactement les mêmes papilles gustatives dans tes intestins que sur ta langue. Sur ta langue, tes papilles sont liées au centre du plaisir dans ton cerveau, alors que dans ton intestin, sont branchées à ton pancréas pour savoir quand relâcher de l'insuline. Ah, oh, ouais. Exactement les mêmes papilles gustatives. En 2008, les archéologues de Chypre ont trouvé une inscription datant du 7e siècle sur une tablette de plomb. Non! qui disait, et je cite, « May your penis hurt when you make love. » Que votre pénis fasse mal lorsque vous faites l'amour. Personne ne sait qui a écrit ce sort. C'est terrible! Ou pourquoi. Mais ça date du 7e siècle, on a découvert ça en 2008. C'est clairement une femme qui a écrit ça, qui a gravé ça dans la peut-être, pierre. Peut-être, ou un gars qui s'est fait voler sa copine par peut-être. Un autre gars. On sait pas, les théories sont nombreuses. C'est vrai. C'est à Chypre. Wow! Ouais. Voilà, c'est tout pour cette portion de C'est un fait. Dans quelques instants, on termine l'émission avec Tania. Oh oui. Dans Tania is gonna entertain you. Restez là. Aujourd'hui. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Toujours Assemblage requis en ce lundi 5 décembre 2016. Tania Baudin, celle qui aime les saucisses. Oh oui, apparemment. Apparemment, hein? Je suis la saucisse et tu es la soupe. Hein? Tout de suite. On tient à saluer Martin qui est venu nous parler de saucisses et de soupe. Du service aux étudiants, ceux qui offrent le bouillon de poulet et la saucisse. Il pensait que je parlais contre lui. Contre son activité. Bon. Il est persécuté, ce Martin Lambert. Pauvre Martin. Par cette femme qui est si méchante, là. Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école, et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! And is good night. Et voilà. Et voilà. Tania, aujourd'hui, tu ne nous as pas donné d'avant-goût. Tu non. nous lances ça comme ça en surprise complète. Je sais. Que c'est ça? Mathieu, si je te dis Angela Merkel, Federica Mogherini, Angela Herrens et Marilyn Houston. Qu'est-ce qu'elles ont tous en commun selon toi? Des femmes de puissance. Ouh! Comment tu sais tout en ça? Ben, j'ai des connaissances générales. Exactement. Qui servent absolument à rien. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de 6 femmes qui ont été nommées dans le magazine Forbes comme étant les femmes les plus influentes au monde avec le wow. plus de pouvoir. C'est le bloc thématique féminin que tu fais une fois par mois, à peu près. Exactement. Donc, le magazine Forbes, c'est un magazine économique américain, pour ceux qui ne savent pas, qui a été fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes, et son siège social est situé à New York, tout simplement. Et le magazine est réputé pour faire vraiment différentes listes qui sont publiées annuellement. Mm-hmm. Donc, par exemple, tu peux avoir dans la catégorie entreprise les 500 meilleures entreprises selon Forbes. Tu peux avoir aussi les plus grandes compagnies privées selon Forbes. Tu peux avoir aussi les meilleures écoles de business selon Forbes. Et du côté personnalité, tu as aussi plusieurs listes qui sont établies au fur et à mesure que l'année avance. Donc, par exemple, les 100 célébrités les plus célèbres selon Forbes, ou encore les plus riches, exactement. Tu peux avoir aussi la liste des 400 personnalités les plus riches des États-Unis, ce qui est le Forbes 400, ou encore la liste des milliardaires du monde. C'est vraiment un magazine qui va se spécialiser dans soit le pouvoir ou la puissance économique de certaines personnes. Et des fois, les deux vont ensemble. Exactement. Du côté de la liste que je vous présente, c'est la liste The World's 25th Most Powerful Woman in 2016. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, ce sont les 25 femmes les plus au pouvoir, avec le plus grand pouvoir au monde en 2016. J'ai parlé tout à l'heure de Marilyn Houston. Qui est Marilyn Houston? C'est la CEO de Lockheed Martin aux États-Unis. Donc, elle est née en 1954 à Junction City et c'est une femme d'affaires et une chef d'entreprise américaine. Oh, c'est sûr, c'est la liste de Forbes, donc on va retrouver des Américaines. Ben oui. Faut pas capoter non plus. Donc, elle est la présidente directrice générale de Lockheed Martin depuis 2013. Qu'est-ce que Lockheed Martin? C'est une première entreprise américaine et mondiale de défense et de sécurité. Donc, comme ses principaux concurrents, elle va concevoir et réaliser différents produits dans lesquels, par exemple, l'électronique et la technologie vont jouer un rôle vraiment déterminant. En 2008, il y avait 84% des ventes de l'entreprise qui ont été faites à l'État américain et le reste principalement à d'autres États. En 2010, sur les 45,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il y a 17,3 milliards qui proviennent, qui provenaient du moins, de contrats signés avec l'administration américaine sur la défense mondiale. Et le Lockheed Martin est né en 1995 par la fusion entre Lockheed et Martin. Ben oui, hein? Vous l'aurez tous deviné. Et les deux entreprises étaient à l'origine de groupes aéronautiques. Donc aujourd'hui, Lockheed Martin reste, entre autres, connu pour ses avions de combat, entre autres le F-16, le F-22, le F-35. Et ça représente encore aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires de la compagnie. Ce qui est quand même énorme. Tout à l'heure, j'ai commencé en parlant de Marilyn Houston. Elle se retrouve au 24e rang, donc elle n'est pas dans les plus fortunées ou dans les plus hautes de la liste, mais quand même, elle est née en 1954, comme je le disais, et c'est une diplômée d'un bachelor en sciences, en gestion, et elle a un master, je sais pas. Maîtrise baccalauréat. Exactement, merci. En art de l'économie de l'Université de l'Alabama. Et elle possède aussi un diplôme de la Columbia Business School et aussi d'Harvard. Donc, tu sais, un petit curriculum, tu sais, là, pas grand-chose. Hein? Et après ses études, Marilyn Houston a intégré la société d'armement Lockheed Martin en 1983. À ce moment-là, elle occupait des postes pas très, très grands. Par exemple, responsabilité particulière. Donc, elle a commencé au bas de l'échelle, comme n'importe qui. Et par la suite, à la suite de certaines successions de postes, elle s'est rendue à celui de présidente directrice des opérations et celui de vice-présidente pour le pôle système électronique en 2010. En novembre 2012, elle a été nommée au comité de direction de la compagnie et elle est devenue la présidente directrice générale en janvier 2013. Il y a quelques autres mandats qui ont été faits, dont entre autres en septembre 2013, elle a été nommée membre du conseil présidentiel relatif à l'exportation, donc tout ce qui sort du pays, et elle a été nommée par le président, M. Barack Obama. Pas M. Donald Trump, M. Barack Obama à ce moment-là. En termes de reconnaissance, c'est pas sa première fois dans la liste du magazine Forbes. En 2014, elle a été élue comme la 21e femme la plus puissante au monde, selon le magazine. Mais là, cette année, on se retrouve au 24e rang. On régresse. On va rester dans le top 25 pour Marlène. C'est pas dire qu'elle régresse, peut-être que les autres montent plus haut qu'elle. Peut-être aussi. Oui. La prochaine que je vais vous présenter, elle se retrouve au 22e rang des femmes les plus puissantes mondialement. On parle de Helen Clark. Helen Elizabeth Clark, plus précisément, plus largement, mettons. Elle est née le 26 février 1950 à Hamilton et c'est une femme politique néo-zélandaise. Elle est membre du Parti travailliste et première ministre de 1999 à 2008. Donc, qu'est-ce que le Parti travailliste pour ceux qui ne travailliste, connaissent non? Oui, t'as bien. Travailliste, oui, exactement. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'étais pas sûr, travailliste. Ah, ouais. J'ai ajouté un i. Ouais. Travailliste. T'as raison. Aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de... Donc, le Parti travailliste néo-zélandais, c'est un des principaux partis de la Nouvelle-Zélande, avec le Parti national de la Nouvelle-Zélande, et qui, lui, est dirigé par Andrew Little, et a été fondé en 1916 à Wellington. Et le Parti travailliste néo-zélandais est dirigé depuis 2014 par Andrew Little, mais il est membre de l'Internationale socialiste. Donc, le programme économique a été restructuré par M. Rogers Douglas, qui était ministre des Finances en 1984 et 1987, et aussi le père d'importantes réformes libérales pour la Nouvelle-Zélande. Madame Helen Clark, elle, quant à son curriculum vitae, eh bien, elle s'est engagée en politique contre la guerre du Vietnam. Elle a été élue par la suite à la Chambre des représentants de la Nouvelle-Zélande en 1981. Elle a été la 37e première ministre de la Nouvelle-Zélande du 5 octobre 1999 au 19 novembre 2008. Et elle a été réélue en 2002 puis en 2005. Et elle est la seconde femme à occuper ce poste, ayant succédé à Jenny Shipley. Donc, il y a seulement deux femmes et elle est une de ces deux femmes-là. Elle est à la tête du Parti travailliste. Elle mène une politique progressiste, comme ils disent, et parfois, elle est critiquée pour son apparence. Elle souligne que le problème en politique, c'est là qu'on prête trop souvent attention à ce que les gens ont l'air et à la manière dont les femmes sont habillées, qu'est-ce qu'elles disent. Et c'est pas faux pantoute. C'est même évident. Oui, exactement. Donc, en 2006, elle a été classée comme étant la 20e femme la plus puissante au monde dans le même magazine, c'est-à-dire le magazine Forbes. Et en 2007, elle a été classée au 38e rang. Là, aujourd'hui, on se retrouve au 22e rang. Donc, on a... Tranquillement pas vite, là. C'est ça, on remonte tranquillement pas vite. Les élections législatives de novembre 2008 ont vu la défaite de son parti, le Labour, face à la coalition qui a été menée par le Parti national. Mais Helen Clark est aujourd'hui l'administratrice du programme des Nations Unies pour le développement, où elle a justement défendu la prise en compte des problématiques de l'Océanie. Et le 4 avril 2016, elle a annoncé être candidate à la succession de Ban Ki-moon, qui est secrétaire générale de l'ONU, et c'est la position pour laquelle elle se retrouve dans le magazine Forbes cette année. C'est pour sa position à l'ONU en tant qu'administrateur et développeur du programme du côté de l'ONU. À l'ONU! À l'ONU! Salut à tous les... Qu'est-ce que tu veux dire? Les nudistes. Les quoi? Les nudistes? À l'ONU! Oh mon Dieu! Ah, très mauvais, très mauvais. Oui, je sais. Hein. Du côté du 19e rang, on retrouve Federica Mogherini, qui, elle, est une représentante de l'Union européenne des affaires étrangères et de la sécurité pour l'Italie. Donc, c'est pas la bonne page, voilà. Donc, elle est née le 16 juin 1973 à Rome. C'est une femme politique italienne aussi, vous l'aurez deviné. Elle est membre du Parti démocrate et ministre des Affaires étrangères du gouvernement Renzi avec la délégation aux Affaires européennes. Et le 30 août 2014, elle est désignée comme la haute représentante de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, le titre pour lequel elle est au magazine Forbes cette année. Et ça, c'est à compter du 1er novembre 2014. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'elle est là. Elle fait un excellent travail puisqu'elle se retrouve au 19e rang du magazine Forbes. C'est quand même pas rien. Elle a étudié les sciences politiques à l'Université La Sapienza de Rome et elle a obtenu un lauréat en soutenant un mémoire de philosophie politique, attention, sur le rapport entre la religion et la politique dans l'islam qui a été rédigé pendant son séjour dans le cadre du projet Erasmus à Sciences Po Aix. Donc, c'est une des gros projets pour lesquels elle a été reconnue, entre autres, tout de suite après ses études, c'est là-dessus qu'elle s'est lancée et c'est comme ça qu'elle a commencé à se faire connaître du côté politique surtout. Elle a été inscrite en 1988 à la Fédération de la jeunesse communiste italienne dans une section qui fut celle d'Enrico Berlinguer et elle a rejoint en 1996 la Jeune de gauche. C'est une organisation qui succède à la FGCI après la dissolution du Parti communiste italien et à la constitution du Parti démocrate de la gauche. Et elle est devenue, depuis 2001, membre du Conseil national démocrate de gauche. Elle côtoie dans les instances dirigeantes, par exemple, les chefs successifs du centre-gauche, dont Piero Fassino, Walter Veltroni, pour nommer que ceux-là. Et on ne les connaîtra pas plus, même si ben on non, c'est ça, plus, c'est des hommes politiques italiens. C'est fou comment on peut ne pas connaître la politique internationale. C'est fou, hein? C'est fou. En 2008, Walter Veltroni l'a intégré justement dans la liste des candidats à la députation et à ce moment-là, elle a été élue et elle est devenue, entre autres, responsable des questions de politique étrangère et de sécurité étrangère et c'est comme ça qu'elle a réussi à se rendre jusqu'au 19e rang du magazine Forbes. Wow! La prochaine que je veux vous présenter, elle se retrouve au 15e rang. Peut-être que toi, Mathieu, tu vas plus la connaître que moi encore. Elle s'appelle Angela Ahrendts. Ouais, j'essaie de penser quand tu as mentionné son nom tantôt. J'essaie de me rappeler où est-ce qu'elle est. Eh bien, je vais te le dire, ça va me faire plaisir. C'est une chef d'entreprise américaine. Elle a fait carrière, entre autres, dans l'industrie de la mode, mais depuis quelques temps, elle est chargée des boutiques Apple et des ventes en ligne depuis le 1er mai 2014. Ouais. Donc, elle est née en New Palestine, dans l'Indiana, et elle a fait carrière, comme je le disais, dans l'industrie de la mode, après notamment avoir travaillé pour Donna Karan et Liz Claiborne. Elle a été nommée CEO de la marque de prêt-à-porter britannique Burberry, tu sais, tout ce qui est carotté, tout ça, super. Ouais, ouais. De 2006 à 2014. Et elle est devenue par la suite vice-présidente senior qui est chargée des boutiques Apple, comme je disais, de vente en ligne aussi. Donc, Angela Ahrendts, elle a grandi à New Palestine, une petite ville qui est proche d'Indianapolis, avec ses 5 frères et sœurs. Sa mère a exercé l'activité de mannequin dans la plus grande partie de sa vie et dans la région avant d'épouser Richard Ahrendts, qui, lui, à ce moment-là, dirigeait une petite entreprise. Donc, elle voyait déjà les gens d'entreprise autour d'elle et elle s'intéressait à la mode, mais elle a commencé à coudre ses propres vêtements durant son enfance. Elle pense devenir styliste et c'est comme ça aussi qu'elle a pu faire quelques échanges du côté monétaire, du côté entrepreneurial, mais elle a décidé de se réorienter au cours de ses études à l'Université d'État de Bâle. En 1981, elle a obtenu une licence en marketing et en... on peut pas dire en marchandage, là, mais merchandising. ouais, bonne question. Parce que ça, ça, hein? La traduction de ça serait du marchandage, ouais. En fait, de pouvoir faire des échanges. Je vais te chercher un mot pour ça. Le commerce, peut-être. Ouais. L'échange de commerce. En tout cas, elle s'est installée à New York où elle a fait carrière justement dans l'industrie de la mode. Elle a présidé la firme dont je vous nommais tout à l'heure, Donna Karan International, entre 89 et 96. Et elle a été recrutée en tant que vice-présidente exécutive par Les Wexner de Limited Brands, qui souhaitait, à ce moment-là, étendre le réseau du détaillant un petit peu partout mondialement. Et il prévoyait l'ouverture d'une nouvelle boutique à travers les États-Unis, mais après seulement 18 mois, l'initiative a été interrompue par le conseil d'administration, donc c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Angela Harrens a intégré en 1988 le groupe de prêt-à-porter Lise Claiborne, comme je le disais tout à l'heure. Elle a supervisé l'acquisition des différentes marques et tout ça. Et quand c'est arrivé pour Apple, c'est en octobre 2013 exactement, où elle a été recrutée elle-même par la grande compagnie, la grande entreprise qu'est Apple, pour occuper le poste de vice-présidente senior chargée des boutiques de la firme et des ventes en ligne. Donc, elle occupe ce poste-là depuis le 1er mai 2014. Et la fonction était jusque-là occupée par intérim par Tim Cook, qui était PDG d'Apple, oui. Et depuis le renvoi de John Browth en 2012. En 2013, elle a été nommée comme dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique. Elle n'est pas britannique du tout. Elle a été simplement décorée à titre honoraire. Et depuis les années 2000, elle figure régulièrement dans certains classements des dirigeants jugés par exemple influent par la presse ou ayant le plus de pouvoir. Donc, son nom apparaît notamment dans la Power List de Time Magazine et dans la liste des femmes les plus puissantes au monde de Forbes, mais aussi, attention, le classement International Power 50 qui est établi par Fortune, qui est encore plus gros que Forbes, ouais, pour les gens qui ont de l'argent et du pouvoir. Donc, de ce côté-là, moi, je trouve ça quand même cool qu'une des CEO d'Apple soit une femme. Et le merchandising, là, c'est bien marchandisage. Oui, j'avais raison. Ouais. C'était développé consécutivement à l'essor de la vente en libre service où chaque produit doit être exposé convenablement pour qu'il soit en mesure de se vendre lui-même. Donc, on parle de notion d'assortiment, d'organisation générale du point de vente, la saison, personnalité, etc. Exactement. La prochaine dont je veux vous parler, il en reste seulement deux, celle-là et la prochaine. Elle se retrouve au 8e rang. Mathieu, je vais te dire son nom, peut-être qu'elle aussi tu la connais, attention! Susan Wojcicki. Non! Non! Je m'excuse, non! Ben, est-ce que c'est vrai? Ben, peut-être, parce que t'es quand même beaucoup plus geek que moi. Donc, en termes de ce qui se passe du côté geek, en temps normal, t'as plus de connaissances. Absolument, mais comment? Wojcicki? Non, je sais pas. Wojcicki. En fait, elle est CEO de YouTube. Ah oui? Wow. Oui, exactement. Donc, elle est née le 5 juillet 1966 à Los Altos, dans le comté de Santa Clara. Et elle est une dirigeante d'entreprise américaine, bien comme plusieurs femmes sur la liste de Forbes cette année. Elle est dirigeante d'entreprise, elle est CEO de YouTube depuis 2014. Donc, après avoir loué son garage au cofondateur de Google, elle a été recrutée par l'entreprise en tant que directrice du marketing. Elle est à l'origine du programme, entre autres, AdSense, qui participe au lancement de services comme exemple Google Images et supervise aussi l'acquisition de sociétés dont YouTube et DoubleClick. Elle fait partie des proches conseillères de Larry Page et elle a accédé au poste de vice-présidente senior chargée du secteur publicité de Google. Et en 2014, elle est nommée directrice générale, c'est-à-dire CEO de YouTube. Pas pire comme pas début, pire. Hein? Pas pire. Elle a étudié l'histoire et la littérature à l'Université d'Harvard. Elle a sorti son diplôme en 1990 et elle a poursuivi ses études à l'Université de Californie à Santa Cruz où elle a obtenu une maîtrise en économie. C'est toutes des choses qui sont pas par rapport à l'informatique, ouais, mais elle a été intégrée par la suite la Anderson School of Management, qui est l'école de commerce de UCLA, qui lui a remis une maîtrise en administration des affaires, c'est-à-dire, nous, on appelle ça un MBA, là, bien souvent. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ben oui. Et elle a obtenu ça en 1998. Elle a travaillé pour Magic Quest, qui est un éditeur de logiciels éducatifs, et elle a ensuite décidé de faire carrière dans le milieu de la technologie. Et c'est là qu'elle a commencé à travailler pour Google. Donc, en septembre 1998, c'est les fondateurs de Google qui ont loué la chambre d'amis et le garage d'une maison de Menlo Park qui appartenait à ce moment-là à Susan Wojcicki, pour dire son nom correctement. Et ils ont installé les locaux de l'entreprise qui venait tout juste de créer. Donc, le garage Google, qui sert de siège social à la firme durant quelques mois seulement, là, mais qui était là à ce moment-là, appartenait à Wojcicki. Elle occupe un poste à ce moment-là dans une entreprise qui s'appelle Intel, oui, qui est aussi... informatique, oui, exactement. Et elle est recrutée par Google un an après, en 1999. Elle a fait partie des premières salariées de la société et elle a été nommée à ce moment-là directrice du marketing pour la compagnie. Donc, elle a, afin d'accroître la notoriété du moteur de recherche Google, elle a passé des accords de licence qui permettaient aux entreprises et aux universités de l'intégrer sur leur site web. Et elle a participé au lancement des services Google Images, Google Livres. Elle est à l'origine aussi du programme AdSense, comme je vous disais, qui a été lancé en 2003. Ce programme-là, en fait, ça permet à Google d'afficher des liens publicitaires sur les sites qui sont affiliés à Google. Donc, en 2010, elle a représenté la deuxième source de revenus de l'entreprise par AdSense, bien évidemment. Et en 2006, elle a dirigé le service Google Vidéo. Ah. Ce qui estimait en fait qu'il peut refaire son retard sur le site d'hébergement de vidéos YouTube. Oui, c'est comme devenu un... Ça s'est rassemblé plus tard, exactement. Ouais. Elle a proposé à son conseil d'administration de racheter la startup YouTube, quelque chose qu'ils ont fait. Elle supervise également l'acquisition de la régie publicitaire DoubleClick. Je ne sais pas si toi, tu connais DoubleClick. Ouais, ben moi, c'est pas vraiment. C'est les publicités qu'on voit partout là, sur Internet. C'est souvent ça. C'est okay. les bannières. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, Google a décerné eux-mêmes à Susan Wojcicki le Google Founders Award, qui est une prime qui récompense les employés et travailler sur des projets considérés comme étant importants pour la firme. Et elle a été qualifiée d'employée de Google la plus notable dont vous n'ayez jamais entendu parler. Ah. Donc, en anglais, ça s'appelle « The most important Googler you've never heard of mm-hmm. ». Et elle a été qualifiée comme ça par le quotidien « San Jose Mercury News ». Et l'article est paru en 2011, l'a décrit comme une dirigeante discrète, disposée à partager le mérite avec ses équipiers. Et au cours des années 2010, son nom a figuré régulièrement dans les listes des dirigeants les plus influents, établis par exemple le magazine Forbes, Fortune, et Adweek un petit peu partout mondialement. En 2015, elle a figuré à la 9e place du classement des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes et l'année suivante à la 8e position, c'est-à-dire cette année. C'est cool, c'est très cool. C'est, tu sais, quand vous dites que vous ne pouvez pas rien faire, moi je pense que ces femmes-là, hein, ils nous montrent le contraire. Et voilà. La prochaine, en fait, j'ai comme pas le choix. Il faut absolument que je termine avec la première position. On parle de Angela Merkel, oui. Qui est une Allemande. Est-ce que tu connais? Chancelière allemande. Oui, exactement. C'est une deuxième année consécutive pour elle. C'est une physicienne de formation. Elle est membre de l'Union chrétienne démocrate et elle assume la charge de ministre fédérale des femmes et de la jeunesse au sein du cabinet de 91 à 94 avant de se voir confier en fait le ministre fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire du même cabinet en 98. Et Angela Merkel est devenue en 2000 la première femme présidente de la CDU, qui est l'Union chrétienne démocrate. Et le 22 novembre 2005, après la victoire de la droite aux élections fédérales, elle est élue chancelière de la République fédérale d'Allemagne par les membres du Bundestag, qui prennent la tête d'une grande coalition qui s'allie justement à la CDU et aussi au Parti social-démocrate. Elle est reconduite dans ses fonctions à la suite des élections de 2009 et elle forme un gouvernement de coalition CDU-FDP. Là, il y a même deux partis dont je viens de vous parler. Et son parti remporte les élections en 2013, ce qui lui permet d'être réélu pour un troisième mandat consécutif et de former un nouveau gouvernement de coalition avec certains partis. Et à partir de 2015, pendant la crise migratoire en Europe, elle a connu une chute de popularité dont elle a dû faire face à des critiques de dirigeants de d'autres États européens, de son propre camp politique en raison, par contre, de sa politique d'ouverture sur les frontières, justement. Et elle a été désignée la femme la plus puissante au monde par le magazine Forbes à 10 reprises depuis 2006. Mm-hmm. C'est... pas rien, tu sais, je dis ça comme ça, là. Moi, ça me dérangerait pas d'être nommée 10 fois par Forbes. Elle est aussi largement perçue comme la personnalité politique la plus importante et la plus puissante de l'Union européenne. Et si vous tapez son nom sur Google ce matin, les articles que vous allez voir, c'est qu'elle va être sous enquête pour tout ce qui est Volkswagen. Oh non! Oh oui, c'est pas super bon, donc je sais pas si elle va être au premier rang l'année prochaine dans le magazine Forbes. On lui souhaite, mais ben oui. En tout cas... On souhaite pas de mal à personne. Non, exactement, vous allez voir. Elle a eu une vie privée plutôt... comment on pourrait dire, privée, mais plutôt, tu sais, elle a pas d'enfant. Elle s'est mariée, elle s'est remariée, elle a divorcé, blablabla. C'est une femme carriériste, mais on aime ça. C'est le style même de femme qui nous montre qu'on est capable de faire n'importe quoi dans la vie. Mm-hmm. Voilà. Wow! Encore une autre liste de femmes qu'on aime bien. Comme ça, une fois de temps en temps, Tania, tu sors ton côté... Féministe. Féministe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te remarque, elle. Tu me remarques, elle. On fait Tania Scolaire du Théâtre tous les matins de semaine à Assemblage Requis. Ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. On n'a personne à remercier. Donc, merci à toi, Tania. Mm-hmm. Merci à toi, Mathieu Plante. Mm-hmm. Demain, on sera mardi. Qu'est-ce qu'on a demain à l'émission? On a la chronique du Zone Campus avec David Ferron, le nouveau numéro qui sort demain. Donc, à 8h30, il va être avec nous. C'est pas mal le seul invité de l'émission de demain. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, on est lundi. Donc, dans quelques instants, ce sera assez fou. Le sexe, l'émission d'éducation sexuelle. Ensuite, à 11h, la sortie. Non, c'est terminé pour la sortie secrète à votre gauche. Il faut que j'enlève de la programmation d'ailleurs. C'est terminé leur saison de leur côté. Ensuite, à midi, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre. C'est la première partie de son émission de fin d'année. Ensuite, à 20h, Rock de Neuron, l'émission de rock progressif, facif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se quitte avec une pièce de On a créé un monstre, rencontre surprise. Et puis, on se dit à demain dès 6h30. À demain, bon café!